Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Louis-Philippe Quentin nous fera un Quentin interrogatoire sur l'actualité dans la chronique sur le campus. Et dans les quiz de la lutte, Gabriel Béhout jouera les Houdini en faisant sortir de un lapin pro de son chapeau. Assemblage Reiki tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 3 novembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est 175 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Tabarouette. Oh oui, bonjour. Ça va vite. Ça va très vite, ça va bien sinon? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, très bien aussi. Je suis allé évidemment animer l'improvisation de la lutte hier soir. Oui, c'est sûr. C'était bien intéressant, on va en parler avec Gabriel Béhout tantôt. Mm-hmm. On a aussi d'autres impros ce soir. Au temps d'une pinte. Ah oui? Avec la lime. Ouh. On en parlera avec lui tout à l'heure. Ça, c'était à 9h, la chronique de Gabriel Béhoud. Avant ça, à 8h30, Louis-Philippe Quentin, de Journal Zone Campus, va venir nous parler du numéro 5 qui sort aujourd'hui. Mm-hmm, déjà. Déjà. Un bon numéro. Oui. On a travaillé fort. Oui, on a travaillé fort dans les coins. Exactement. Un numéro sur l'underground musical et autres trucs comme ça, donc à 8h30. Ta chronique, Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, en fait, hier, je le disais un petit peu en fin d'émission, on va parler de voyage. Ah. J'en dis pas plus. C'est un sujet qui est quand même, qui revient souvent ces temps-ci, surtout dans notre génération. Alors, on va parler de ça un petit peu. Tout le monde s'en va dans, ailleurs qu'au Québec, puis après ça, ça veut faire un pays, tu sais. C'est ça. On va aussi faire la chronique Son foutu palmarès encore aujourd'hui parce qu'on a des restants de l'été à approfondir en détail sur les jours à fêter pendant les mois de septembre, octobre et novembre. Ben oui. Passer par-dessus celles qu'on a oublié de fêter et ensuite quelques-unes pour le futur. Ouh. Le mois de novembre qui s'en vient, on va faire ça en quelques instants. Mais sinon, on va commencer l'émission en musique avec une pièce des Sœurs Boulay. Une pièce qui va probablement, je dirais, figurer dans les palmarès bientôt. Probablement. Moi aussi, je serais du genre à dire, au nombre de fois qu'on l'a fait jouer, qu'on l'entend ici, c'est Fou 89.1, elle devrait faire son entrée bientôt, là, j'imagine. Par exemple, mettons la semaine du 2 au 8 novembre 2015. Peut-être en position numéro 17. Oh, peut-être. À partir d'aujourd'hui, c'est dans le nouveau palmarès. Félicitations. Ouh. Les Sœurs Boulay, Andaman Islands. Tout de suite au 89 FM. C'est fou. Bouche d'argent et joue rougie. J'aurais voulu plus jamais dormir dans mon lit. Des petits cailloux dans ton châssis. Me laisserais-tu entrer pour ma dernière nuit? Je sais que t'es une bête sauvage, c'est tous tes amis qui me l'ont dit. Je parle pas tout à fait ton langage, moi j'ai peur des loups, puis j'ai pas d'amis. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte à côté, mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu, nous deux, ça se prend take out. T'es meilleur à roche-papier-ciseaux, pis pour faire des ronds de boucanes dans l'eau. Mais je veux plus gagner à tous les jeux. La guerre en amour, c'est pour les peureux. Pour je te ferai à croire que c'est le hasard qui a décidé. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte à côté, mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu nous deux, ça se prend. Une pièce des Sœurs Boulay, Andaman Islands, nouvelle entrée du côté francophone. C'est grâce à Alexandrine Pichessir qu'on a découvert ben cette oui, chanson-là. Ben oui, parce que nous, en fait, on n'avait pas cette pièce-là au palmarès, puis par la suite, ben, on a décidé de la faire jouer pas mal souvent. C'est vrai. C'était la pièce « Fais-moi un show de boucan » qui était dans le palmarès avant. Oui. Voilà. On retrouve Alexandrine Pichessir de retour ce jeudi à 7h30 à Assemblage Requis. À changer de corps horaire. Ben oui, elle nous fait toujours des belles petites chroniques. Donc, c'est cute, c'est cute. Bon, tiens, on a commencé l'émission calme. Mm-hmm. On va continuer en se renseignant dans un ordre avec une liste dans son foutu palmarès. Chronique que son foutu palmarès, chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet précis. Dans la précédente chronique, on a fait les mois de mai, juin et juillet, ainsi que, des fêtes qu'on avait manquées, qu'on n'avait pas célébrées parce qu'on n'était pas en nombre pendant l'été. Oui, vous me direz, on est rendu au mois de novembre. Ouais, puis, qui décide? Exactement. Il nous reste septembre, octobre, novembre à faire. Donc, on va célébrer des fêtes à rebours, puis à partir de la fin de la chronique, là, on va pouvoir commencer à célébrer ça dans le présent. Le 3 septembre dernier, c'était la journée des gratte-ciels. Ah, ça c'est cool. C'est pas pire, hein? Célébrer le triomphe architectural de nos villes, bien sûr, avec l'anniversaire de Louis Sullivan, un architecte d'influence qui a aidé à développer et avancer le mouvement des gratte-ciels à la fin du 19e siècle. Donc c'est le 3 septembre. Le 4 septembre, complètement différent, c'est la journée nationale de ceux qui sont camelons, qui transportent des journaux. En l'honneur de Barney Flaherty, qui a été engagé comme le premier camelot du New York Sun en 1833. Pendant ce temps-là, on célèbre une journée internationale des livreurs de journaux. Wow. Le 11 octobre. Quand même. On en reparlera peut-être. 5 septembre, ça c'est quelque chose que je mange jamais, mais ça a bon. On dirait qu'on la voit moins ici, hein? C'est vraiment pas, il me semble, à la mode tant que ça, mais c'est la pizza complètement au fromage. Mm-hmm. Différentes sortes de fromage. Pas de pepperoni, là, non. Juste la sauce, le fromage. Tu sais, je mange de la focaccia des fois, mm-hmm. mais juste fromage, c'est un peu plat. Ouais, j'imagine qu'il faut vraiment que t'aimes ça. Mais avoue que c'est pas mal une des meilleures choses dans la pizza. Ça, puis le pepperoni, puis les champignons, puis la sauce, pas de champignons, la croûte. Puis c'est parmi les choses les meilleures de la pizza. Finalement, Matt, t'aimes bien la pizza. pas si bien. Le 6 septembre, la journée où on se bat contre la procrastination. Ah, OK. Okay. C'est à retenir, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu nous as appris l'autre jour aussi, la caféine? Procaféinée. Procaféinée. C'est le R que je comprends. Procaféinée. Ben, moi, je pense que c'est procaféiné, mais le mot, c'est procraféiné parce qu'il y a procrastination. Je vais essayer de le retrouver. Il y a des gens qui me l'avaient envoyé sur Facebook disant que c'était l'histoire de ma vie. Ben, c'est l'histoire de la vie de bien des gens, n'est-ce pas? Exactement. 7 septembre, c'est la journée ni la pluie ni la neige. C'est bien procaféiné. J'aime pas ça. J'aime mieux procaféiné. Donc, 7 septembre, l'anniversaire de l'ouverture du bureau de poste de New York en 1914. C'est le nom donc, de la fête qui a donné, ou le contraire, la petite inscription sur la bâtisse qui dit, et je cite, « Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds. » Donc, ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit vont empêcher nos livreurs de compléter leur ronde qui leur a été déterminée ou donnée. C'est... Les facteurs, ça, peu importe le... Beaucoup de vouloir. C'est ça, exactement. 13 septembre, la journée des grands-parents. Ah, oh, je savais pas que les grands-parents avaient une journée. Ben oui, toi, c'est célébré annuellement le premier dimanche après la fête du travail depuis 1978. Plusieurs pays ont leur propre version en quelque part ailleurs dans l'année. Et contrairement aux États-Unis, on va souvent donner aux grands-parents, aux grands-mères et aux grands-pères, pardon, leur journée séparément. Ah, un peu comme la fête des pères et la fête des mères. Oui, dans certains pays. Le 16 septembre, c'est l'anniversaire du jour en 1620 où 102 hommes, femmes et enfants sont partis de Plymouth dans l'Angleterre à bord du Mayflower, donc c'est la journée Mayflower. Allons-y avec la journée de la Constitution, le 17 septembre. Alors, en 1787, la Constitution des États-Unis d'Amérique a officiellement été signée, même si ça n'a pas été voté pour que ce soit actif à partir de... ça a commencé seulement 2 ans plus tard. Et puis, depuis 1952, la journée de la citoyenneté est aussi célébrée le 17 septembre. Le 22 septembre, on aime ça, c'est la journée d'appréciation des éléphants. On adore ça. Ben oui, c'est Pachyderme, créé les éléphants eux-mêmes, mais la fête par Mission Media Inc. Et son fondateur Wayne Hepburn en 1996. Plusieurs années avant ça, sa fille lui avait donné un presse-papier, un poids qui tient les livres dans leur bibliothèque, en forme d'éléphant. C'est ce qui a démarré donc, son obsession envers les animaux. Et ça a culminé, évidemment, à la création de cette fête. Le 22 septembre, la journée des Hobbits. Lors de l'anniversaire fictif de Frodo et Bilbo Baggins, les fans de J.R.R. Tolkien célèbrent tout ce qui est le Seigneur des Anneaux. Le 24 septembre, ça j'aime ça, c'est la journée nationale de la ponctuation. Hey, c'est cool, je savais pas ça. Ouais, point, virgule, point d'interrogation, point d'exclamation et autres. Fait qu'on peut en abuser cette journée-là. Exactement. Et comme dit l'article, c'est là que le débat des Oxford Comma pourrait recommencer. Est-ce que tu sais ce que c'est une Oxford Comma? Non. Je vais sortir l'article de Wikipédia. Est-ce que c'est le point virgule? Non, c'est la virgule qui se met avant le mot et. Oui. Comme ça, ce sera pas mêlant pour mettons que la phrase c'est ta ta ta ta ta et ta ta ta pour pas que le ta ta ta qui est avant aille avec le reste de la phrase. Il y a des exemples de ça là. Mais c'est ça, c'est une grande question d'écriture ça là, et de conjugaison et de tout. C'est comme la différence mettons dans une liste de pays entre mettons t'aurais France virgule Italie virgule et l'Espagne. Ça c'est la Oxford comma. Ou sinon France virgule Italie et Espagne, et là, t'aurais l'impression dans certaines phrases que les deux derniers mots allaient ensemble. Mm-hmm. Tu comprends? Oui. Alors, la virgule avant le E vient le séparer. Mais en tant que tel, dans les règles du français, on met pas de virgule avant le E. C'est ça. Dans les règles du français, on le fait pas. Est-ce que. Mais en anglais non plus? C'est ça. Ça dépend des dictionnaires, ça dépend des endroits. Comme la Oxford comma ou encore la Harvard comma, c'est la virgule de Oxford ou de Harvard. C'est aussi appelé la virgule serial comma. Ou series comma, donc dans certains dictionnaires comment elle ça s'appelle revient, ça? Ouais. Règles d'utilisation, dans certains journaux bien fancy, ils vont utiliser cette sorte de virgule. Ah. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça, c'est ce que je me souviens dans mes souvenirs lointains. Ouais, c'est difficile. Mais allez voir l'article qui est serial comma sur Wikipédia. Le 26 septembre, on va sauter au mois d'octobre, tiens. On sait que le mois d'octobre, on est toujours dans les fêtes qu'on a manquées depuis les derniers mois parce que j'avais oublié de faire cette chronique-là. octobre, le 2 octobre, c'est la journée... le 4 octobre, pardon. Bon. C'est le 4e jour du 10e mois de l'année. C'est le jour où on célèbre les opérateurs de radio. Pas les animateurs de radio, mais ceux qui opéraient les systèmes de transmission d'appels téléphoniques et qui passaient des fils de prise en prise, des trucs comme ça. Donc, on dit 10-4, c'est la journée 10-4. Est-ce que t'imagines, ça devait être toute une job, hein? Et crème, oui. Mais hein, on les voit faire sur la photo, ils ont l'air bien, bien concentrés avec leurs tout petits écouteurs. C'est le contraire des écouteurs que portent les animateurs de Radio-Canada pendant la soirée des élections. C'est leur espèce de gros panier qui ont ça. Ouais. Le 8 octobre, j'adore encore une fois, c'est la journée nationale des pirogues. Des petites pâtes avec de la viande à l'intérieur ou du fromage souvent ou des trucs comme ça. Ça ressemble à des raviolis. Ouais, c'est ça, je m'allais dire. Un petit peu plus crêpé ses côtés. Donc, c'est ce jour-là, en 1952, que les pirogues ont été livrées à une épicerie pour la première fois à Shenandoah, en Pennsylvanie. Et on les dévore depuis. Ensuite, le 10 octobre, la journée nationale des sacs à main. Ah ben, Moses, on est passé à côté de ça. Hey, hein, tu parles d'une affaire, toi. Hey. Le 12 octobre, c'est la journée du moment international du cri de frustration. Oh! Ouf! Pour tous laisser aller notre fou, on va à l'extérieur, où on a manqué ça, mais quand même, à midi, heure de Greenwich, donc à 8h du matin, heure de l'Est, et on crie pendant 30 secondes. Ça, c'est le 12 octobre. Mais on aurait donc dû le faire. Ben, je sais bien. On aurait dû le faire à la radio, l'émission live pendant le dîner de con. Pendant 30 secondes. Le 13 octobre, la journée nationale de faire face à ses peurs. Oh, c'est bien ça. Évidemment, pendant le mois le plus épeurant de l'année, ça a du sens. Oui. Ça a du sens. Le 14 octobre, c'est la journée nationale d'amener votre ourson au travail. On peut-tu le faire le 14 novembre si on a manqué le 14 octobre? Dis que t'as pas reçu le message. Ouais, c'est ça. C'est mal daté. Oh, mais c'est le fun, ça. OK, c'est tout. C'est mignon. Ouais, c'est quétaine. Le 15 octobre, c'est la journée nationale des grincheux. Pour ceux qui en aiment un ou qui en sont un, les grincheux. Les grincheux. Le 16 octobre, la journée du dictionnaire. C'est l'anniversaire de Noah Webster, des dictionnaires Merriam-Webster, mm-hmm. Tu connais? Donc, on prend une pause de son utilisation de la langue anglaise. Peut-être, en célébration de ça, on va juste... Ou français, peu importe, on fait juste utiliser des mots faciles. On n'utilise pas le dictionnaire. Ouais. On lui laisse un congé à M. Webster. C'est bon, ça. 19 octobre, la journée de l'évaluation de votre vie. Oh, mon Dieu. Pour penser à toutes les erreurs que t'as faites. C'est où? Oublie ça. C'est, on voit, j'ai passé droit devant, et là, je le regrette. Voilà. le 22 octobre, la journée d'être intelligent, c'est cool. Oh oui. Ben oui. Sur la photo, c'est comme un petit gars. Moi, je trouve ça... Avec des petites lunettes rondes rouges. C'est vrai. Oui. Tu sais, au primaire, là, à vous, on rit tous des petits qui sont intelligents. Ah, c'est vrai ça. Quand, en théorie, c'est eux qui sont vraiment cool. Ouais. C'est eux, mettons, tu m'inclus là-dedans. Ben, si t'étais intelligent au primaire. Ben oui, ben oui. le 26 octobre, c'est la journée nationale du... Est-ce que c'est l'âne, une mule? On va dire une mule. Oui, je crois que oui. Une mule. Donc, c'est le 26 octobre 1785 où une paire de mules espagnoles est arrivée aux États-Unis, un cadeau du roi Charles III. Et on dit que c'était les premières mules à avoir été amenées au pays pour la reproduction par George Washington lui-même. Ouh. C'est un cadeau donc, de King Charles III. Le 27 octobre, la journée des collègues de travail de mauvaise humeur. Ah! Ah! On a eu la journée des grincheux tantôt, la journée des collègues de mauvaise humeur, OK. Finalement, octobre, c'est pour vraiment se défouler, hein? Je pense que c'est négatif un peu, sauf... Ah! Le 29 octobre! Ah, le 29 octobre! As-tu vu comment il est cute? C'est la journée nationale des chats! Regarde le chat, comment il est beau! Sur l'article sur assemblagerequis.com, ouais. C'est un chat un petit peu caramel, je te dirais, avec la langue sortie, blanc. Ouais. Tu sais, j'ai pas une appréciation des chats très, très développée. Ouais, hein, je t'en veux. Je suis désolée. Traître. le 30 octobre... Ah, là, on en a tellement parlé hein, ce mois-ci oui. De ceux-là. C'est vraiment mon bout de mois préféré, mon bout d'année préféré. Après la journée des chats, le lendemain, c'est la journée nationale du candy corn, le 30 octobre. Mm-hmm. On a parlé de candy corn dans une de tes chroniques, je crois. Oui, faire de la vodka au candy corn. Oui, c'est des petits bonbons en triangle jaune, orange et blanc. C'est vraiment cute. Tu sais, ces petits bonbons que t'en manges deux, ils étaient rassasiés pour le restant de l'année. C'est sucré, mais ça me fait plaisir. Et finalement, le 31 octobre, oui, le même jour que l'Halloween, c'est la journée nationale de la magie. Ah! Pourquoi pas? OK. Donc, maintenant qu'on a terminé le mois d'octobre... Ah, est-ce que t'as vu? Pourquoi? J'ai lu tous les détails sauf celui-là. Ouais, exact. Je m'excuse. Mais c'est pas grave. C'est parce que ça souligne la fête de décès de Harry Houdini. C'est un détail très, très, très pertinent. Merci. Moi, je trouve ça vraiment très pertinent. Tout à fait. En effet. Maintenant qu'on a fait le passé, on a fait les mois de mai, juin, juillet. C'est le temps de... Septembre, octobre. On arrive là. C'est le temps de passer aujourd'hui. On est rendu au mois de novembre. Là. On a quelques jours quand même de sauter parce qu'on est rendu le 3. Là. Mais le 1er novembre, c'est la journée nationale de faites un repas pour votre animal de compagnie. Ah! Parce qu'ils en font déjà assez pour vous. C'est à vous de les récompenser, un petit repas. C'est vrai, hein? De maison. Du moment que tu fais le pas, là, ton chien ou ton chat, là... T'es au courant? Oui. Tu sais, il est tout le temps avec toi. C'est ça. Le 2 novembre, c'est la journée où on planifie l'achat de sa pierre tombale. Ah, ben tu vois, je manquais à l'appel. Hein? J'avais trop tôt pour commencer à écrire ça. C'est ça. Le 3 novembre, c'est la journée du cliché. OK. Donc, c'est célébré, évidemment, en écrivant une petite phrase cliché sur un tableau, peu importe. Ah, les fameuses phrases que t'aimes. Toutes faites. C'est ça. Le 3 novembre, c'est la journée du sandwich. C'est la même journée que la journée du cliché, ça? Oui, exactement. Okay. Exactement. C'est la journée, l'anniversaire de John Montagu. C'est le 4e Earl of Sandwich, celui qui a donné son nom au sandwich, évidemment. Hmm. Le 6 novembre sera la journée du saxophone. Ah? Hein? Ben oui, on célèbre tous les gens qui jouent du saxophone. Et voilà. Dont Bill Clinton, tu savais ça? Ah ouais, je savais pas ça. Le 7 novembre, la journée de la destruction de la citrouille d'Halloween. J'ai vu ça. Maintenant que c'est terminé, l'Halloween, on peut s'en débarrasser. Très drôle. Ben oui. Mais en plus, c'est que ça pourrit tellement rapidement. Tout se met à détruire. Aucun sens. Le 8 novembre, c'est la journée des jeux de mots. Hey. Une des journées des jeux de mots. Ça, là. Tu dois aimer ça, cette journée-là. Hein? J'adore ça. Ensuite, le 8 novembre, c'est la journée où on cuisine quelque chose qui a beaucoup de saveur et beaucoup d'odeur. c'est comme ça. C'est la Cook Something Bold and Pungent Day. OK. Eh bien, on dit aussi que c'est du temps pour soi-même, ce jour-là. Parce qu'on fait de la cuisine. Ah, ben oui, évidemment. Le 15 novembre, la journée nationale du Bundt. Tu connais les gâteaux Bundt Cake? C'est des gâteaux un peu comme un gros bang viré à l'envers. Mm-hmm. Je sais pas s'il y a un mot en français pour ça, un Bundt Cake. C'est pas... Gâteau renversé? Un gâteau renversé, mais ça ressemble surtout à un gâteau des anges. Ouais, peut-être un petit peu, gâteau des anges. Ouais. Je sais pas trop. Ben, c'est une bonne occasion de ressortir votre petit rack que vous utilisez presque jamais. Oui. Ou le louer chez le magasin, tu sais, de bonbons en vrac, là, qui loue des moules à gâteau. Ah ouais? C'est pas ça? Non. 17 novembre, la journée nationale du Unfriending. Oui, et c'est Jimmy Kimmel, l'animateur de talk show, qui est responsable pour ça, pour cette fête-là. C'est l'occasion de regarder vos connexions sur les réseaux sociaux et ensuite mettre la hache là-dedans. Ouais. Bon, ben, je vais mettre ça à mon agenda le 17 novembre. Exact. Mêle pas les titres de chroniques, là. Ça, c'est une autre chronique qui ajoute ça à ton agenda. Ben oui, non. Mêle pas les enfants. 18 novembre, c'est la journée de soutien aux personnes qui sont mariées à un scorpion. OK, ils sont si difficiles à gérer que ça? Ben, le fait que ça existe nous dit bien des choses. Donc, c'est pour ceux qui sont nés entre le 23 octobre et le 21 novembre. Ensuite, le 19 novembre, c'est la journée « Ayez une mauvaise journée ». OK. C'est une occasion pour ceux qui travaillent au service à la clientèle de lâcher la phrase « Passez une belle journée » et souhaiter à leur clientèle une mauvaise journée. C'est la seule journée où tu as le droit de le dire. Le 20 novembre, la journée « Nommez votre PC ». Hein, vous passez assez de temps ensemble, comme nous dit l'article de mentalforce.com. Pourquoi ne pas nommer votre PC ou le renommer si jamais vous l'avez acheté dans un magasin tout fait et que votre PC s'appelle comme le mien, genre WDE-2452-34. Mm-hmm. Renommez-le, c'est la journée pour ça. Le 20 novembre, pas avant. 24 novembre, célébrer. C'est la journée célébrer votre talent unique. Oh, ça, c'est le fun. Si vous êtes bon en peinture, en musique. Ouais. Peut-être en saxophone, comme tantôt, comme Bill Clinton. Ah, peut-être. Hein? Le 25 novembre, c'est la journée nationale de se rappeler de magasiner. Donc le 25 novembre, c'est un mois exactement avant Noël. Cette fête-là est célébrée dans l'espoir que peut-être que vous allez commencer à magasiner avant le 23 décembre. Ah comme, oui, parce que ça tombe exactement la date, mois avant Noël. Le 27 novembre, la journée nationale de se passer la soie dentaire. OK. Évidemment, on suggère de ne pas le faire qu'une seule fois par année, mais c'est là qu'on célèbre ça. Le 27 novembre, c'est la journée nationale du Sinky. Est-ce que tu sais ce que c'est le Sinky? Ben, je sais c'est quoi un Sink. Oui, donc c'est un lavabo. Ouais. C'est la journée pour ceux qui mangent au-dessus de leur Sink dans la cuisine. Quelque chose que vous pourriez faire pendant votre deuxième repas de l'Action de grâce américaine, parce que c'est le jour d'avant. Ah, OK. Voilà, c'est pour ça. La journée nationale de manger au-dessus de son lavabo. Le 28 novembre, c'est la journée nationale d'être au courant qu'on a une aura. Ah! Oui, donc remettez-vous en contact avec votre énergie lumineuse colorée qui sort de votre corps. Hein? Il y a des fêtes qui sont vraiment bizarres dans le jeu. Tu trouves? Ben là, t'as-tu vraiment besoin de ça pour te sentir mieux? Non, mais tu sais, comme mettons le 29 novembre, j'ai besoin d'une journée pour les bons jours électroniques. Oui. Toi, oui, ça, c'est j'ai sûr. Besoin de ça. J'en c'est doute clair. Même pas. Donc, ça fait longtemps que peut-être pour certains d'entre vous que vous n'avez pas envoyé un courriel, un message, un courriel électronique, ça peut arriver, à économiser des timbres, hein, tu sais? Ben oui. Chose comme ça. Donc, et en plus, donc, c'est ça, on dit aux gens de prendre contact par leur appareil électronique, que ce soit un message texte ou un courriel. C'est un bonjour électronique, c'est le 29 novembre. Et pour terminer, le 30 novembre, c'est la journée restez à la maison parce que vous allez bien. Tu sais, c'est comment. Oui. Non, mais des fois, on appelle ça une journée de santé mentale. Ah, OK, oui. Mental Health Day. Tout le monde conseille ça de prendre une journée une fois de temps en temps quand ça va vraiment. J'aurais dû prendre ça hier. Ouais, ça allait pas très bien physiquement, toi. Mais mentalement, ça allait. Ouais. Ton moral, t'es quand même là. T'avais l'air enfant. Bref. Donc, la journée de santé mentale où on reste à la maison, juste pour se donner un petit congé et puis peut-être après ça retrouver de la motivation, c'est le 30 novembre. Et c'est comme ça que le mois de novembre se termine. Et à partir de là, on va pouvoir continuer en faisant chaque mois l'heure du mois qui a lieu. Oui. Et non pas 6 mois en retard. Mais faudrait les fêter. Faudrait les fêter. Faudrait s'en rappeler. C'est ça. Fait que le 30 novembre, attendez-nous pas, on va rester à la maison. Exact. Mais nous, ce qu'on aime, c'est que ces listes-là sont particulièrement n'importe quoi. Tu sais, mettons, quand tu regardes des talk shows du matin, mettons, ils ont tout le temps la journée du café. Puis ils font, tu sais... ouais. La journée du café, il y en a-tu comme 6 par année? Mais ça, c'est aux 2 semaines, cette affaire-là. J'aime les fêtes plus originales. Puis moi, dire bonjour par courriel, je trouve ça cool. Puis ça, ils en parleront jamais, salut bonjour. Maintenant que tu l'as dit,

sourire sur ton visage. Et chaque jour tu me Ariane Zita à la pièce Soyons sauvages à l'assemblage Wiki. C'est vraiment très très bon et c'est francophone à moitié. Ouais, si comment ça à moitié? Ben parce que I feel like I'm 6 years old when I'm with you, c'est moyennement francophone. Ouais, vraiment. Non, ça je suis d'accord avec toi. Par contre, elle est francophone, elle vient de Montréal. Exactement, on pourrait la mettre dans un entre les deux palmarès. T'sais. Oui. C'est comme une position flottante, comme une journée pédagogique. Mais c'est comme Cathy Moore, c'est elle qui a juste une toune en français oui. Sur son album. Exact. Exactement. Bon, au moins la chanson est en français. Ben oui. Mm-hmm. Ah si, on a besoin de se faire divertir, je pense. Moi. Ah ouais, déjà, comme ça? Ouais, ouais. OK. T'es prête? Ben tu ouais. Veux qu'on se divertisse? Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania! She's gonna entertain ya. Tu dansais comme une égyptienne, je trouve. Mais je suis sûre qu'à chaque fois que je danse comme une folle en studio, je te déconcentre pendant absolument que tu... pas. J'ai oublié la fin de la chanson, mais non, tu me déconcentres pas du tout. Mais non. Et tu faisais walk like an Egyptian ou encore un genre de Monster Mash. De Monster je sais Mash. Pas comment je dansais. S'il y avait eu une caméra, je suis certaine que les gens auraient été traumatisés, en fait. En fait, la prochaine fois que je fais cette électronique-là, il faudrait que je me rappelle de te filmer. Oh mon Dieu, ça non. C'est drôle. Il faut pas faire ça. Est-ce qu'on le fait là? Tu voudrais la refaire, la rechanter pour on que je danse? On a tout le temps du monde aujourd'hui. Non, non, non, on fait pas ça aujourd'hui. Come on! Ah, t'es super bien habillé en plus, t'es super chic. Là, je suis plus down de oui, j'en repasse. Okay. Allez, attention, on y va. Ah, ça va être gênant ça. Ah oui, ah, regarde ça comment c'est cute. Hein? C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania! She's gonna entertain ya! Oh wow! Ah! La la la la! C'est sûr que ça vaut beaucoup d'argent! Bon, ok, parfait! On a tout enregistré ce qu'il lui fallait! On tient à vous dire qu'on mettra pas ça sur Facebook! Bye! Bye! Si c'est mis sur Facebook, je vais actionner certaines personnes. Mais tu veux que je mette ça où? Nulle part. On va le garder, puis au pire, on le diffusera au partenaire. OK, on le regardera ensemble plus tard. C'est bon, ça. Mais je veux pas... nos auditeurs sont importants. Il faut qu'ils soient au courant de ces affaires-là. Ouais. Ouais. Donc, Tania is gonna entertain ya. On parle d'un sujet différent à chaque jour. Oui. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, en fait, il y a plusieurs articles qui sortent ces temps-ci qui... des articles. Ouais, exactement, surtout les places à visiter avant nos 30 ans. Les pays à visiter avant nos 30 ans. Je me suis dit, pourquoi pas parler de voyage? Parce que de toute façon, même si on le fait pas, tout le monde y pense. Oui. Puis notre génération, comparément à certaines autres, est vraiment centrée sur la carrière puis l'individualisme. Donc souvent, après nos études et juste avant de faire le pont vers notre carrière ou le grand marché du travail qui fait vraiment peur, ben il y en a certains d'entre nous qui vont voyager, soit à sac à dos ou soit pas à sac à dos, oui. Mais qui vont aller dans d'autres pays différents. Puis je crois que c'est une ouverture sur le multiculturalisme. Oui, c'est une ouverture du compte de banque aussi. Oui, exactement. Oui. Et ça demande un certain budget, mais il y en a beaucoup qui justement vont travailler très fort pendant leurs études pour pouvoir se le permettre après, avant de commencer à travailler dans leur domaine, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous parle de certains pays qu'il faut absolument visiter selon les célèbres voyageurs du web, mais surtout, quoi visiter quand on arrive là-bas. Ah, c'est bon. Parce que oui, c'est bien beau de dire « Ah, tu devrais vraiment aller en Australie », après avoir vu le premier kangourou, tu fais quoi? Hey, là, il y en a plein de kangourous. Je veux te les saluer toutes. Hey, moi, je veux juste voir ce qui pille. C'est tout. Puis, en fait, je tiens à dire que peu importe le site web voyageur sur lequel on atterrit, il y a vraiment des trentaines et des trentaines de pays et des places diverses qui nous sont données. Mais j'y suis allée seulement avec 5 aujourd'hui parce que, bien évidemment, ma chronique ne dure pas 3 heures. Et t'es pas allée physiquement sur place. Non. Hey, j'aurais donc aimé ça. Ben oui. Peut-être un jour, peut-être. Puis si tu prends des photos, on sait, on est habitant tantôt, tu les mettrais pas sur Facebook parce que t'es trop gêné, pis c'est pas que nos auditeurs les voient. Exactement. C'est ça. Je vais vous dire un petit peu pourquoi ces places-là ont été choisies, certains sites web. Et on va commencer par le premier qui est Dubaï. Pourquoi est-ce qu'on serait attiré par aller à Dubaï? Ben, leur slogan « Just Dubai, my love ». Ben oui, exactement. C'est sûr que c'est ça leur slogan. Bien, en fait, certaines personnes pourraient y être attirées pour le luxe que Dubaï projette un petit peu partout au travers du monde, on le sait. Mais une des places qui est très, très importante à visiter lorsqu'on arrive là-bas, et là, je vais essayer d'y aller avec mon meilleur accent. Oui. Dubaïen. Dumbaya. Exactement. C'est le Burj Khalifa, qui est la plus haute tour au monde, qui fait 828 mètres de haut. C'est cette fameuse tour qu'on peut voir dans le dernier Mission Impossible, entre autres. Je sais pas si tu l'as vu, en fait, mais Tom Cruise se balance d'une place à l'autre, entre deux tours, et il atterrit sur cette tour-là. C'est ça. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça qui est ça. Aller y faire le tour ou simplement monter jusqu'en haut de cette tour-là, c'est autour de 80 €. Donc, c'est pas si dispendieux. Par contre, c'est sûr, on est à Dubaï, tout va coûter nécessairement plus cher. Mm-hmm. OK. Dubaï, c'est la ville de la démesure, donc c'est naturel que le spectacle des fontaines soit une place que vous allez voir. OK? Oui. Quand je dis le spectacle des fontaines, là, j'imagine que certains sont comme « Hein? Quoi? » Est-ce que c'est l'eau qui coule puis ça fait des affaires dessus? Ben, c'est exactement comme les fameuses fontaines du Bellagio à Las Vegas. Ben oui. Exactement. Par contre, c'est la plus grande au monde. C'est ça. Parce que c'est démesuré à Dubaï. Ben oui. Ça l'a surpassé celui de l'hôtel Bellagio exactement à Las Vegas. Le spectacle dure 3 minutes tous les 30 minutes. Ah, OK. Il y a 23 minutes de rien partout. C'est ça. De 18h à 22h. Donc, chaque jour, vous pouvez vous rendre là-bas et apparemment que c'est exceptionnel pour la vue. Par la suite, il y a les souks. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Les souks. Souks. Je sens que je l'ai dit avec le correct accent. Mais ça se passe dans le vieux Dubaï. Vous retrouvez en fait une atmosphère vraiment plus typique et bien différente des petits centres d'achat qu'on pourrait décrire, mettons, tout neuf du centre-ville. Donc, il y a vraiment le côté très, très luxueux. Mais il y a aussi le vieux Dubaï qui est très, très, très touristique. Parce qu'il y a c'est un peu comme une cabane à souk, comme on dit. Hein? Si eux viennent ici, ouais, j'imagine. J'imagine. Hey boy. Et il faut surtout pas manquer le Gold Souk, qui est en fait le plus grand au monde. Donc, c'est un petit centre d'achat, mais c'est le plus grand au monde, OK? Donc, pensez-y. T'as aussi le sport, le souk à la corde. Hey, t'es terrible à matin. Il y a le Spice Souk, qui, évidemment, c'est rempli de touristes pour tout ce qui est épices, puis tout ça. Il y a le Covered Souk, le Dubai Old Souk, qui est situé de l'autre côté de la crique. Mais faut toujours se rappeler que oui, évidemment, ça va être bondé de touristes parce que c'est quelque chose que l'on met de l'avant lorsqu'on parle de Dubaï. Ouais. Et si vous n'êtes pas attiré par les choses qui, en temps normal, attirent les touristes, ben je vous dirais d'y aller simplement par votre propre idée. Qu'est-ce que je visite? Il y a sûrement un Apple Store. Ouais. Ben sûrement dans le côté très luxueux de Dubaï, oui, ça peut arriver. Pour ceux qui aiment le luxe, c'est sûr que c'est très, très divisé. T'as le côté très, très high de Dubaï et t'as le côté vraiment plus vieux, plus culturel. Mm-hmm. Donc, ça dépend de l'idée que vous avez derrière la tête en partant en voyage. La deuxième place que je vous propose, c'est le Costa Rica. Ah. Pour la nature, mais aussi pour les défis. Quand j'ai fait le tour des sites internet, le Costa Rica revenait souvent. C'est pas très loin d'ici, en fait, le Costa Rica. Et sur la côte pacifique, c'est très, très touristique. Il y a plusieurs personnes qui disent que ça en est peut-être même très déplaisant. Ça dépend de ce que vous voulez voir, mais il y a certaines plages qui sont incroyables à voir là-bas, de ce côté Pacifique-là. En fait, il y a la plage Manuel Antonio qui a été élue la plus belle plage du monde. Oui. Donc, si jamais vous êtes de ce côté-là, j'imagine que d'être entassé entre deux, trois touristes pour voir la plus belle plage, ça vaut quand même la peine. Ça dépend du touriste. C'est sûr que ça dépend du touriste, oui, en effet. Mais, tu sais, quand que tu décides de faire un voyage, bien évidemment, tu as fait des recherches. Donc, peu importe la place où tu vas aller, c'est sûr que ça va être complètement touristique. Oui, ben oui. Si tu veux pas. Il y a la côte Caraïbe aussi. Là-bas, c'est ce qu'ils disent de visiter. Eh bien, c'est... Encore une fois, je vais y aller avec mon accent portugais ou espagnol le mieux que je peux. C'est le Cahuita qui est... Le Cahuitab, le club de golf. Oui, le Cahuitab, ben le Cahuita. Ouais. Cahuita, qui est en fait un petit village très, très reggae, super calypso. On l'appelle d'ailleurs la petite Jamaïque parce que les Jamaïcains de la Costa Rica vivent là la plupart du temps. Alors, si jamais vous voulez voir quelque chose de très dépaysant quand vous arrivez là-bas, c'est d'aller sur la côte Caraïbe. Et plusieurs personnes qui ont visité cette place-là disent que de se promener du côté de la côte Caraïbe et de la côte Atlantique, si je me souviens bien, eh bien, c'est vraiment là où on va avoir le plus de plaisir comparé à l'autre côté qui est beaucoup plus touristique. Mm-hmm. Tout ce qui est naturel, que ce soit les activités nautiques, les randonnées, bien, le Costa Rica semble être la place de prédilection pour ceux qui en veulent beaucoup, qui veulent en voir beaucoup. Et si jamais vous êtes du style à faire de la tyrolienne, exemple, eh bien, là, vous allez être comblés parce qu'évidemment, ce sont les plus beaux paysages à regarder selon plusieurs globe-trotters. Mmh. Oui. Troisième place, Bali, Indonésie. Ah, ouais. Intéressant, ça. Ça m'a allumé. Je dois t'avouer que, en faisant mes recherches, je suis tombée sur Bali à plusieurs reprises, sur plusieurs sites Internet. T'as compté tes piastres. Hey, j'ai non seulement compté mes piastres, je me suis rendu compte que j'étais pauvre et que je ne pourrais aller à Bali, mais que je vais y travailler parce que c'est une place que je veux visiter. Il y en a beaucoup qui disent d'y aller simplement pour les plages qui sont hallucinantes. C'est déjà une bonne raison. Hein? On dit de Bali que c'est une place très, très relaxante. Donc, si jamais on est, tu sais, au Costa Rica, c'est gros défi, gros la randonnée, go les activités. Bali, c'est beaucoup plus relax. Si jamais on veut faire comme une espèce de retraite, là, de se recenser, puis... Zen. Exactement, d'être zen, d'aller à Bali, ça a l'air que c'est merveilleux pour ça. Il y a une activité qui se fait, en fait, c'est une montée de volcan. Le plus populaire volcan qui s'appelle Batur. Il a 1717 mètres de haut. Ouf. C'est quand même pas pire. Hein? Les vertiges, je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est on le monte généralement de nuit parce que lorsque vient le matin et lorsqu'on arrive au sommet, on peut apercevoir le lever du soleil. Ah, oh, wow! Et avec un volcan, ah, oh, wow! Ça a l'air que c'est de toute beauté. C'est une randonnée qui se donne avec guide. Évidemment, on peut pas le faire tout seul, donc il faut prévoir évidemment un petit peu d'argent. Ça peut être... dispendieux, selon les deux Québécoises qui en ont fait le voyage. Mais ça vaut clairement la peine. T'as combien de chances au monde de te lever sur un volcan pour regarder le lever du soleil? Tu veux vivre ça, je pense. Oui, je pense que tu veux vivre ça. Tu sais, quand on dit que c'est relaxant, je pense que quand le soleil se lève, que t'as fait 2 heures de randonnée et t'as monté en haut d'un volcan, t'es déjà bien parti pour te... te recentrer sur toi-même. Ouais. L'expérience culinaire à Bali semble incroyable. En fait, on propose surtout de fuir les restaurants typiques touristiques quand on arrive à Bali parce que la nourriture ne serait pas tout à fait authentique. Au contraire, on propose plutôt les petites cantines de style bar de route. Un snack bar? Ben pas snack bar, mais tu sais, à Bali, en Indonésie, en Asie, ça se voit souvent, tu sais... Je m'en allais dire des grillons là, sur le bord de la route, mais... Mais oui, du roadkill. Mais non, mais tu sais, le genre de food truck, mettons que ma mère irait jamais parce qu'elle dirait qu'elle pognerait 100 millions de bactéries, ben probablement que ça serait là qu'elle vivrait la meilleure expérience culinaire. Ah, miam! Ouais. Tu sais, le genre de pad thai fait sur le feu directement devant toi, mais pas dans un restaurant, là, vraiment sur le coin de la rue où est-ce qu'il y a comme plein de commerçants. Wow! Donc, ça elle semblerait que l'expérience culinaire est vraiment incroyable et de vraiment fuir les restaurants typiques touristiques parce que c'est même pas ce que ça goûte exactement. C'est ça, c'est des pièges de touristes, c'est super cher pour c'est rien, puis ça goûte à rien. OK. Il faut visiter la capitale culturelle de Bali absolument, selon plusieurs sites internet, qui est Ubud. Tout ce qui est spectacle de danse et tout ce qui est spectacle artistique divers, ça se passe là, c'est incroyable. Donc, évidemment, tu sais, de toute façon, tu décides de faire un voyage quelque part, c'est sûr que tu vas te rendre dans la capitale, là, j'imagine. Oui, oui, oui. Mais la capitale culturelle, pour ceux qui sont très, très culture, qui sont très spectacle artistique, eh bien, c'est de ce côté-là que ça se passe. Et les plages, évidemment, comme je le disais au tout début, pour le calme et les vues à n'en couper le souffle. Mm-hmm. Donc, Bali, déjà en partant, ces points-là, ça m'a tellement allumée. J'étais comme, OK, moi, je suis prête à aller méditer. Sans problème. Le quatrième point que je vous... la quatrième place, en fait, que je vous propose et que plusieurs autres Globetrotters vous proposent... Punta Cana. Non? Non, c'est Tanzanie en Afrique. Oh, okay. Et ça, c'est original. Oui, mais en fait, pour les gens qui ont beaucoup plus l'âme bénévolat. Oui. Tu sais, Marie-Laurence aurait dû rester, là. J'aurais pu lui proposer plein d'activités là-bas. Mais en fait, l'Afrique, évidemment, on le sait, c'est les safaris qui sont fortement recommandés lorsqu'on arrive là-bas. Surtout à Tanzanie, pour la plus grande diversité des animaux sauvages qu'on retrouve là-bas. Les safaris de jour comme de nuit sont offerts pour les touristes. Donc, c'est une expérience franchement incroyable. Tu sais, tu te lèves, tu as des zèbres à côté de toi, des éléphants, des girafes. Ça aussi, ça m'a beaucoup allumée d'aller en Afrique, de faire un safari. J'ai jamais été comment je pourrais dire, super longue randonnée pendant des heures, mais un safari, ça, ouais, je suis down. Je suis partante, je suis down, je suis ouais, ouais. Vraiment down. Comme les jeunes disent. C'est ça. une autre activité qu'il faut absolument faire, apparemment, lorsqu'on arrive là-bas, c'est de visiter la plage de Zanzibar, qui est la plus célèbre des îles au large de Tanzanie. En fait, le seul nom de cette ancienne plaque tournante du commerce des épices. Donc, elle n'existe plus nécessairement. Par contre, c'est devenu une plage avec plusieurs temps et semblerait que c'est incroyable. Mmh. Donc, c'est sûr, c'est une plage, hein. On s'en va là, ça va être à couper le souffle. Peu importe. T'sais, je vous dis pas que c'est la plage de l'île Saint-Quentin ici à côté. C'est hein, ça, juste les plages locales qu'on trouve plates. C'est vrai, ça. Nul n'est prophète en sa propre plage de locale. Exactement. Les autres doivent trouver ça plate, leur plage. Ben, ils doivent vouloir venir à l'île Saint-Quentin. Oh, ouais. Surtout avec l'annonce que l'île Saint-Quentin passe. J'ai pas vu ça. Ça a l'air d'une plage dans le sud, mais c'est aucunement l'île Saint-Quentin. Ouais. En fait, une autre place qu'il faut absolument visiter selon plusieurs voyageurs, c'est le Kilimanjaro. Mmh. Les plus hauts sommets en Afrique, qui est un incontournable pour les amis de la randonnée. Je le disais, je ne suis pas une très grande fanatique de randonnée, de passer comme 6 heures dans la forêt ou comme un... Mais si tu me dépaysages, si tu me dépayses... Dépayse-moi. Ouais, si tu me dépayses, que tu me changes complètement de pays avec un accent très, très culturel de la place, probablement que ça me dérangerait même pas d'aller passer comme 3 jours dans la forêt, OK? Ouais, OK. Donc, de ce côté-là, le Kilimanjaro, moi, j'aurais aucun problème avec ça. Une autre place, j'ai vraiment trouvé beaucoup, beaucoup de places à faire en Afrique, c'est les ruines du Kilwa Kisiwani. En fait, comme je l'ai dit, c'est des ruines, ça n'existe plus. Eh bien, c'est une place qui prenait place dans le temps des sultans, quand il y avait des routes commerciales qui reliaient les champs aurifères à la Perse, à l'Inde et à la Chine. Okay. Aujourd'hui, ça n'existe plus, malheureusement. Par contre, on peut encore visiter les ruines et y passer beaucoup de temps. Il semblerait que c'est génial, qu'on y trouve plusieurs... vu à couper le souffle encore une fois. Tout ce que je le disais en début, tout ce qui est bénévolat, il y a plusieurs organismes qui accueillent les voyageurs qui veulent donner un coup de main là-bas parce qu'on le sait quand même, c'est des places qui sont la plupart du temps très pauvres. Donc, il y a plusieurs organismes qui offrent en fait de prendre en charge l'organisation de votre voyage pour que vous puissiez venir y faire du bénévolat. Et ça, si vous avez justement l'âme à bonne place et la main sur le cœur, eh bien, c'est quelque chose à expérimenter, je dirais. Ça doit être tellement, mais tellement dépaysant, là, que tu reviens ici puis tu dois être comme tellement sous le choc pendant un bout. De toute façon, peu importe où tu vas, que ce soit pour une semaine ou un mois, tu reviens puis t'es comme déjà en dépression oui. De voyage. Oui, exactement. Quand tu reviens ici, tu veux juste repartir, c'est sûr. Par contre, d'y aller pour les bonnes causes. T'sais, si tu t'en vas en Afrique, pourquoi pas? T'es là de toute façon. Oui. Donne de ton temps. Il n'y a aucun problème. Tu n'es pas capable d'en donner ici à l'aréna du coin, mais hey, va en donner en Afrique. Hein? La cinquième place que je vous parle, je pense que ça, c'est un petit coup de cœur. Parce que quand j'étais plus jeune, tout le monde me disait que j'avais l'air d'une Russe parce que j'étais blonde. Et bien, c'est la Russie, c'était en fait. C'était pas allemand, non, c'était russe, t'as raison. C'était bel et bien russe, oui. Et bien, c'est la Russie pour tout ce qui est architecture. Architecturale. Moi, ça m'allume beaucoup aussi. Donc, la Russie, c'est sûr que je pense que j'y irai. Quelques activités à faire là-bas, eh bien, de faire un voyage en métro. Ça semble tellement banal, ouais, un peu, hein? Mais les places de métro en Russie, ça a l'air qu'ils ont une architecture assez remarquable, merci, et que ça vaut la peine d'être vu et d'être pris en photo. Alors, allez-y, faites juste descendre dans les stations de métro, vous allez voir de quoi qu'on parle. Il y a plusieurs voyageurs qui disent que c'est vraiment de toute beauté et que le métro de Montréal, c'est rien comparé à ça. Mais c'est rien, ça, je peux vous le confirmer. Ouais, c'est ça. Les concerts et les activités style cirque que l'on retrouve un peu partout, malgré le fait que les Russes sont très froids en temps habituel, sont très, très réservés. C'est l'accent aussi, hein? Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Peut-être le clash culturel. Mm-hmm. Eh bien, leur côté artistique est quand même très développé. Donc, on peut d'ailleurs visiter le plus laid théâtre, selon plusieurs visiteurs. C'est tentant, ça. Voyageurs, ouais. C'est le théâtre de l'Estrade. Ça se catégorise comme un espèce de gros bloc gris qui ont manqué. Wow. C'est ce que plusieurs voyageurs disent. Ils disent que c'est sérieusement le théâtre le plus laid qu'on ait jamais vu, surtout en plein milieu de Russie. Et toutes les pièces sont jouées par Mario Estrada. Allez chercher son nom si vous vous rappelez pas de lui. C'est Chips. Oh mon Dieu. Visiter la plage rouge, c'est une plage, pas une plage, mais une place très touristique. C'est une des places les plus connues aussi devant l'un des centres commerciaux. Mais c'est une place très convoitée qui en vaut la peine d'être vue. Moi, ça me fait un peu penser au vieux Québec, en fait, la place rouge. Là. Ah oui? Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser au vieux Québec quand tu te promènes, t'as vraiment des pentes descendantes. C'est la même chose avec la place rouge. Et c'est une place que je visiterai. Peu importe où vous allez aller, là, je vous en ai nommé 5. Si vous avez fait le tour de Google, il y a à peu près comme 80 autres places que vous pouvez voyager. Allez-y avec votre cœur puis surtout ce que vous voulez faire. Ce qui est important, c'est de bien organiser son voyage, de faire des recherches, justement, comme je disais, selon ce que vous préférez, de peut-être même se créer un itinéraire de places que l'on voudrait visiter avant de partir, que ce soit à sac à dos ou un peu plus luxueux, en hôtel ou peu importe. Dépensez pas tout votre budget sur votre sac à dos. Non, c'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est de s'imprégner de la place où on va aller, de tenter des choses qu'on ferait pas en temps habituel. C'est un peu ça le but de voyager, entre autres, et surtout de tenter de se mêler à la culture de la place pour en apprendre davantage et surtout pour revenir avec la tête vraiment remplie de souvenirs culturels, de souvenirs que vous allez pas faire « Ah, j'aurais donc dû le manger le grillon sur le coin de la rue. » Juste pour l'essayer, j'aurais donc dû parler avec les gens de la place. C'est certain que si vous allez en Russie, vous allez peut-être avoir plus de difficultés parce qu'ils sont froids. Par contre... Ah. C'est pas la langue, c'est ça. Non, mais c'est des gens qui sont quand même très réservés et c'est pas des gens qui vont s'ouvrir pour aucune Arrête de renier ton peuple, Tania, la russe. Je suis désolée, je suis russe, voilà, c'est dit à la radio maintenant. Voilà. Mais vraiment, allez-y, faites connaissance avec les gens de la place pour pouvoir en connaître le plus. Tu sais, les gens qui voyagent ici au Québec, oui, ils vont faire les classiques cabanes à sucre et tout ça, mais ils vont souvent parler avec les gens de la place, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes ici. Donc, faites la même chose, c'est quelque chose qui est très plaisant. Et je me suis dit que pour aller avec cette chronique de voyage, bien quoi de mieux qu'une chanson qui sonne tout à fait road trip? Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais décrire ça? Je me suis dit, Je vais pas y aller nécessairement avec les paroles, mais je vais y aller beaucoup avec la musique, le son de, d'une chanson. Alors, je suis allée évidemment sur une de mes applications préférées qui est 8Tracks et j'ai tout simplement tapé traveling, donc voyager en anglais, parce qu'on se rappelle que 8Tracks, c'est juste en anglais. Donc, j'ai tapé traveling et là, évidemment, m'est sortie une panoplie de listes de chansons, mais une artiste qui revenait souvent avec une pièce en particulier, c'est Tove Stierk. Je vais essayer de le dire, mais elle aussi, elle a l'air russe selon son nom. C'est Tove Stierk avec la pièce Borderline. Vous allez voir par simplement tout ce que je parle côté musical, tout ce que je parle côté instrument, ça sonne vraiment road trip et ça nous donne tellement envie de voyager. Alors, Mathieu, je ne sais pas si tu es prêt. Oui. Mais on va écouter Borderline de Tove Stierk. Toujours prêt. L'assemblage brique. Ouh! Borderline de Tove Stierk. Je le disais, il ne faut pas vraiment se fier aux paroles pour cette chanson-là, mais vraiment juste le côté musical et instrument nous donne envie de voyager comme ça. Bing, bang, on part là. On part là. Tove. T-O-V-E, Tove. Puis Styrk, S-T-Y-R-K, c'est difficile à appeler, mais quand même, le lien va être sur la page Facebook. C'est ça? Oui, ben ça oui, c'est sûr. Je vais même vous poster la chanson qu'on vient d'entendre. Des fils. Hey, moi, je dois me corriger, m'auto-corriger avant qu'on me corrige tout à l'heure. J'ai dit Mario Estrada, c'était clairement Eric Estrada. Mario Estrada est un politicien du Guatemala. OK. Et aussi, il y a Marco Estrada, qui est un joueur de baseball, mais c'était toutes les deux pas ça. Ah ouais? Quand j'ai fait une blague d'autre. Fait que je me reprends. Et Eric Estrada. C'est correct. Au moins, on se corrige. Ben, c'est ça. Merci, Tania. Hey, merci, Mathieu. Baudin. On fait Tania Esgola et Tania tous les jours de semaine, lundi au jeudi, quelque part dans l'émission, entre d'autres chroniques. Mm-hmm. Parlant de d'autres chroniques tout à l'heure, il nous reste encore la chronique Dans les coulisses de la huître avec Gabriel Béhoud. On va voir Louis-Philippe Quentin qui s'en vient dans les prochaines minutes. D'après moi, on va le faire après Gabéhoud. On va commencer par Gabéhoud. D'après moi, mais quand sais-je? You know? Quand sais-je? Pour l'instant, tiens. Écoutons une pièce des Fratellis. Ah, pourquoi pas Me and the Devil, celle qui se retrouve au palmarès, c'est fou! Exactement! Palmarès, c'est fou qui est cet après-midi, le mardi, entre 15h et 18h. Oui! Soyez-y. C'est aujourd'hui, là. Oui, oui. Là, nous, en tout cas, on va être là. C'est ça, toi, pour moi, on va être là. Ben oui, pas chouette. Sinon, je sais pas ce qui va se passer, sinon. Il y aura pas d'émission. Ça va, ça. Come on, baby, don't. The Fratellis, Me and the Devil, assemblage requis. Dans quelques minutes, il va nous rester un gros paquet d'émissions. Il ne reste rien qu'une demi-heure, mais on va devoir faire Dans les coulisses de la Luitre avec Gabriel Béhoud et la chronique du Zone Campus avec Louis-Philippe Quentin. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que ça se peut que ce matin, mettons, exemple, on défonce le 9h30? Peut-être. Oh. Est-ce que tu veux dire comme genre à chaque matin jusqu'à maintenant? Mettons. C'est ça. Au retour, Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mardi 3 novembre 2015. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Oui, on a Louis-Philippe Quentin avec nous, mais on peut pas passer à lui tout de suite parce que Gabriel Béhoud a un cours après sa chronique. Fait qu'il faut qu'on attende Gabriel Béhoud. Exactement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a le temps d'entendre une autre pièce. Pour ceux qui aiment qu'on joue de la musique une fois de temps en temps, nous voulons entrer d'en jouer une autre. C'est une nouvelle entrée des Revenants du côté francophone sur leur album Épouvantail. Voici Rien ne saigne comme un pouce. Ouh. Donne un pouce puis il prend un mètre. Ouais, c'est ça, je suis tant de même. Hein? Pendant leur temps, les chefs devaient servir à Une nouvelle entrée des revenants dans le palmarès francophone. C'était « Rien ne saigne comme un pouce » à Assemblage Requis. C'est un peu bizarre. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça, pouce. C'est le moment de parler d'improvisation. Déjà? Hier, ça a saigné sur l'improvisoire. Ah oui, littéralement. Parce que quelqu'un a sacré un coup de poing en face à Céline de Dodie Cole, puis qu'elle avait la lèvre qui... Non, c'est Zwicky. C'est Zwicky, hein? Oui, oui, c'est... Non, quelqu'un a fait ça dans... On en reparle dans la... dans les coulisses de la 8. On va recommencer là. Qu'est-ce que tu viens de roter dans le micro, Gab? Non, c'était un son guttural. Guttural. Il est russe, Gabriel Béaud, je pense. Oui, il est à plat. Oh, deux Russes dans la gang. Super. Donc, Gabriel de la Luitre, bien sûr, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Exactement. Il y avait un match hier. Oui, bien sûr, un match opposant les Oranges aux Verts. Exact. Un match que les Oranges ont gagné, en fait. Oui, ils ont gagné 9-4. Oui, exact. C'était cool, hein? Oui, c'était un très bon match. Mais moi, c'est ça ce que j'adore de dire en intro, pas en impro. Ou les deux. C'est ça. Il y avait l'affaire de match de lutte, un sketch de match de lutte. Oui. Avec Céline de Dicot. Oui, exact. Et quelqu'un d'autre, je me rappelle pas trop. Monsieur Lampron. Monsieur Lampron, oui, Frédéric, c'est ça. Ouais. Bref. Et, ça saignait. Ben, c'est que ça se donnait des coups, puis le gars, Monsieur Lampron, je pense qu'il réalisait pas. C'est pas Vincent Boisvert. Francis, non. C'est Vincent Boisvert, je pense. Peut-être, oui. Ouais. Bref. Peu importe, c'est pas vraiment important, mais c'est que il est allé très très fort, je trouvais, en impro. Puis Céline, je l'ai entendu dire pas fort, genre, est-ce que tu frappes vraiment fort pour vrai? elle a pris sa revanche après, mais je pense qu'elle a peut-être la langue ou la joue. Mais ce que Céline n'a pas dit dans toute cette histoire-là, c'est qu'elle a particulièrement aimé ce moment-là. Oui, elle a aimé ça, même ça qu'elle sensuel. Elle a gagné l'étoile de l'arbitre en oui, la exact. Classe. Oui, probablement parce qu'elle a su. Probablement parce qu'elle a su. Parce qu'elle a sué sa vie. Non, oui. Elle avait. Hier, elle était particulièrement en forme, Céline de Diego. Oui. Joueuse des Oranges. Définitivement, et oui. Et en plus, elle avait une complicité incroyable avec le joueur Marc Lachance. Ben oui, Marc Lachance qui nous amène vraiment dans des univers, ma foi, WTF. Oui, vraiment oui. WTF, tout le temps avec un personnage tout le temps créé de toutes pièces. Ah oui. Mais hier, il m'a surpris en faisant une impro où il avait l'air normal lors d'une date. Oui, c'était, selon moi, une de ses meilleures improvisations de la soirée. Oui, ça montre qu'il est capable de jouer son propre rôle. Oui, exact. Donc, on l'encourage dans cette direction. On remarque que c'est très, très, très drôle lorsqu'il nous joue des what the fuck. Des what the fuck assez sauvages. Oui. Donc, Marc Lachance qui a eu justement l'étoile. Oui, bien sûr, l'étoile des Verts de New Orange. Des Verts. Parce qu'il y a une tradition qui fait que chaque équipe remet une étoile à un joueur de l'autre équipe. Exactement. En collégialité. Alors que l'équipe des Oranges a donné au vert l'étoile à Francis. Exactement. Francis qui a joué un énorme match dans la défaite. Absolument. Sinon, ben, évidemment, les capitaines Nadia Tranchemontant et Alexandre Larémé-Zwicky n'ont pas reçu tant de pénalités que ça dans les équipes. Non, c'était pas si pire. C'était calme. Antoine Lacasse, celui qui était l'arbitre, aurait pu être définitivement plus sévère. Oui. Mais ça a été, somme toute, un bon match qui a bien roulé. Moi, j'ai particulièrement aimé. Il y a eu deux petites catégories que j'ai trouvées cool. Une impro poursuite, donc une improvisation poursuite, c'est-à-dire que la première équipe fait un 2 minutes sur un thème. Par la suite, on fige après 2 minutes. Et puis l'autre équipe embarque, prend la place des autres joueurs et puis poursuit la même improvisation, mais à leur manière. Donc, c'est la même trame narrative, si on veut. Ça veut pas dire qu'ils ont tout écouté et que les faits restent les non, mêmes. Non, exactement. Un gars devient une fille ou peu importe dans c'est l'auto, ça, mais ça. Bon, ça arrive. Mais sinon, là, somme toute, ça a été très, très bien joué. Et puis, on a eu le droit, justement, à une belle poursuite que ça a été une montée en... Ça a été un drame immense. Un drame une famille familial. Qui veut prendre l'avion à temps. C'était très, très bon. Tellement. Et puis, l'autre que j'ai particulièrement aimé parce que c'est trippant à faire, c'est une improvisation qu'on appelle « Fucker le chien ». Oui. Ça, « Fucker le chien », en fait, c'est que c'est en improvisation qu'on appelle « mixte ». Donc, les deux équipes jouent sur la même improvisation. Cependant, il y a un petit twist dans « Fucker le chien », c'est que, par exemple, si les verts jouent, l'équipe est composée de 4 joueurs, il n'y a que 3 verts qui jouent. Et puis là-dedans, il y a un orange qui vient s'immiscer pour fucker le chien. Et ils ont vraiment utilisé ça. Oui, ils l'ont fucké d'aplomb, le chien. Oui. Ça donne vraiment des improvisations le fun. c'est, je pense que c'est plus fun dans ces impros-là, c'est vraiment là, d'être la personne qui fuck le chien. Ça, comme c'est Francis qui est venu dans l'improvisation de l'autre équipe et qui a déshabiller des gens. À déshabiller le monde, leur mettre sa main dans la bouche. Ou, exactement, ce genre de petit truc. Il donnait des tapes sur le ventre à Zwicky. Exactement. C'est très drôle. On a eu droit à un Marc Lachance qui faisait du dub par-dessus les voix des personnages. C'était somptueux. C'était parfait. Ce qui est difficile dans les impros fucker le chien, c'est-tu dans celle-là où Nadia essayait d'empêcher... Oui, exact. Elle a joué un petit peu sur la défensive. Marc Lachance était en train de faire le doublage de ce qui se passait sur la scène. Oui. Et Nadia de quasiment voler le micro avec sa rondelle de bâton de ping. Pour éviter justement qu'on fuck trop le chien dans l'improvisation. Cependant... ça s'est un peu reviré contre eux, parce que si je me trompe pas, les oranges ont eu le point sur cette improvisation. Je crois que oui. Donc, Marc Lachance, il y a un pop talent pour fucker le chien, justement, fait que lui, ça l'a pas trop déstabilisé de perdre la possession du micro. Parce que le vote allait à l'équipe complète sur scène et non pas la personne qui fuckait le chien. Non, donc le point est allé aux oranges, donc les joueurs qui se sont fait déranger par le vert français, c'est ce qu'on fait. Okay, ouais. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était le match d'hier, des verts contre les oranges, et on avait justement sur notre terrain... Hey, on avait un reporter directement sur le terrain. Un reporter digne. Ah oui. Probablement. Je pense qu'il avait pris des psychostimulants. Il était un petit peu plus allumé cette semaine. Moins downer. Ouais. Ah ben, on écoute ça. C'est lundi soir le matin. Ouais, exactement. Allez. Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Bonsoir, ou bon matin, ou bon après-midi si vous l'écoutez en rediffusion, ou ailleurs que sur la planète, dans une autre ville. Je suis présentement au 10-12 en vue du match de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Les deux équipes qui s'affrontent ce soir sont les oranges et les verts. Alors, bon match et place au face à face. Je suis avec un être qui est souvent détesté, souvent conspué, qui ne dort pas la nuit, sûrement. Antoine Lacasse, en tant que troisième arbitre cette année, comment est-ce qu'on sent avec la pression? C'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts psychologiques. C'est pas facile de suivre ces deux grands arbitres-là, mais j'essaie de faire de mon mieux, puis je suis pas mal sûr que j'y arrive. En fait, d'après moi, l'an prochain, je suis premier arbitre. Là. C'est moi l'arbitre partant. Parlant des autres arbitres, comment évaluerais-tu le travail de tes collègues qui, à mon avis, est exécrable? Alors, selon moi, ils ont fait un travail impeccable, vraiment. Là, pas trop d'expulsion, malgré le fait que dans plusieurs matchs, moi, j'aurais expulsé tous les joueurs là, à cause du spectacle médiocre qu'ils ont donné. Mais bon, faut laisser le show, the show must go on, comme on dit. Puis s'il n'y a plus d'improvisateurs, ben, là, on est obligé de faire le show tout seul, puis on n'est pas bien bon là-dedans. Fait que on préfère vous garder sur le jeu. Monsieur Lacasse, vous avez nommé une excellente chanson, sans vous en rendre compte. The Show Must Go On de Queen. Voulez-vous l'en chanter un tout petit morceau? Non. Face à face. Je suis avec un nouveau membre de l'équipe des Verts pour la saison de la Luître 2015-2016. Monsieur Dugré-Lampron, comment trouvez-vous la chasse-galerie en général? Bien, puis l'alcool est pas cher. Parlant d'alcool, monsieur Lampron, faites-moi un top 3 des drinks de filles que vous aimez. Je peux-tu y aller avec de la bière? C'est en effet un drink très de filles. C'est une excellente réponse, monsieur Lampron. Monsieur DL, Comment apercevez-vous le reste de la saison? Très bien et plaisant, avec de la bière. Alors, bon match, amusez-vous. Merci bien et amusez-vous vous aussi. Face à face. Allô, je suis avec le joueur de l'équipe des Oranges, Marc Lachance. Marc, l'an passé, tu évoluais dans les Verts, si je me trompe pas. Exactement. Cette année, pour les Oranges, quelle est la grosse différence? La différence, c'est surtout en termes de couleur. J'aime bien l'esprit qui divague entre les deux genres d'équipes. C'est ce qui fait toute la différence entre la sauce à spaghetti puis le spag en général. Parlant de spaghetti et de pâtes, Marc, tu as le droit à 4 garnitures pour mettre sur une pizza. Quelles sont-elles? Ben, premièrement, pour composer une pizza, il faut certainement avoir de la pâte par-dessus la pizza en tant que telle. Concept volé à Pizza Hut. Ensuite de ça, j'aimerais ça aussi avoir un toit pour vivre, puis des petits amis en dedans, là, petite question de cannibalisme. Puis à part de ça, du carton, parce que c'est le fun de faire des bricolages. Je suis à la fois troublé et charmé. Monsieur Lachance, bon match. Et que la chance soit avec vous. Ah là là, je suis excité, fébrile et ô combien impressionné par Céline Daudier-Côte qui est l'étoile de l'arbitre. Madame Daudier, comment est-ce qu'on sent? Ben, je crois que je suis vraiment plus fébrile que toi en ce moment. Je suis vraiment flattée d'avoir l'étoile de l'arbitre cette fois. C'est impressionnant. Céline, qu'est-ce que tu penses que t'as fait, que tu penses qu'il a permis à l'arbitre qui a pensé à toi quand il a pensé que l'arbitre l'étoile? Je te dirais, comme tout bon sportif ou athlète, j'ai donné mon 110% sur la glace de l'improvisoire ce soir. Aïe. Tu as brisé la glace de manière incroyable. Félicitations, Céline. Et bon reste de la saison que tu penses. Merci beaucoup, Gabriel. Tu es exceptionnel, toi aussi, sache-le. J'aime ça que tu penses. Ce qui m'arrive, je dirais que mon monde est en train de changer. Je me suis fait des idées, imaginer. Yeah! C'est pas la pièce musicale de Pokémon, ça? T'as pas droit de parole pour le reste de l'émission, clairement. Fais juste prendre la trame sonore. Non, c'est de Shoot and Score. Puis change, c'est la même chose. Ouais, ça fait près un peu. C'est vrai que c'est pareil comme Pokémon. Puis j'écoutais pas Pokémon, fait que attrapez ça vient d'une idée. Maison. Ben oui. C'est bon ça, Pokémon. Ben maison, bon. Est-ce que c'était ton dessin animé pour enfants préféré ou... Je demande une excuse publique, messieurs. Une autre fois. Je m'excuse pas. Sorry not sorry, hashtag. Ta montre. Oui. Gabéhood. Je sais pas si c'est la marque de commerce, la marque fossile. Ouais. Mais à la place d'avoir un IV comme 4. Ouais. À la place, c'est 4 barres. Ouais. Fait que là, moi, je me demandais, si c'est ça, là, la marque de commerce, à la place de mettre un 5, ça aurait dû être 4 barres et une barre horizontale par-dessus. Comme dans, comme quand t'es en prison, tu sais. Ah oh, ouais. Ça va être mais ça, c'est pas déjà le truc d'un groupe de musique, là, comment ça s'appelle? Oui. Wu-Tang Clan? Mais je sais pas. Non, Wu-Tang Clan. Oh, Pokémon, je pense. Ah oh, oui, le fameux groupe de Pokémon, le Poké-Rap. Le Poké-Rap, oui. C'est qui le Poké-Rap qui chantait ça? Hein? C'était ça, Billy. Narcisse? C'était Billy. Billy? Ouais, c'était le Poké-Rap à Billy. Le Poké-Rap à Billy. C'est pas ça, le rap à qui? Non, mais on dirait une chanson de. C'est qui chantait de même? C'est rap à qui? C'est-tu Franck. Comment? Lucien Francœur. Lucien Francœur, c'est oui. Francœur. Oui, Lucien c'est Francœur. Lucien Francœur. Billy. Le rap à qui? Ah, ça, je peux comprendre. Le rap ça, à Billy. I don't get it. Je ne comprends pas Lucien Francœur. Don't get it. C'est lui qui chantait aussi Vita Vinaigrette. Vita Vinaigrette. Ça, c'est un malade, ça. C'est qui, ça? Je suis né. Oui, Vita Vinaigrette. Tu connais-tu? C'est le gars je de la suis caméra. Né la tête par en bas dans un ascenseur qui montait par en haut. Je wow. vis ma vinaigrette. C'est genre ça, là, les je premières paroles. Je vis ma vinaigrette. Ouais, ouais, quelque chose. Mais des chansons qui parlent de vie en général, la meilleure, on va se dire, c'est de Yvon Crevoy. C'est Marc Drouin qui chantait « Je vis ma vinaigrette ». Marc Drouin. Merci, merci. OK. En plus, il est beau bonhomme. mais moi, mon préféré, c'est quand même un homme qui parle de la vie. Il y a un message tellement profond. Premièrement, il vient de Limoilou. OK. C'est à vraiment... Québec, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est son dénommé Yvon Crevoy. C'est très vrai. Crever, K-R-E-V-E-X-N-T-G. Ah oui, parce que c'était pas assez trash d'avoir crevé avec un C. Non, non exactement. Puis Yvon Crevoy, je trouve qu'il... Moi, en tout cas, c'est venu me toucher quand j'étais jeune, quand j'avais des périodes un peu sombres. Les paroles, le refrain, c'est « Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. » Wow. Ça, c'est profond. On devrait dire ça à plus de gens. « Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. » C'est un vrai 50 Cent, le « Get rich or die trying. » De Limoilou. De Limoilou. Donc, de Limoilou. « Get a job and try. » C'est à peu près ça. Moi, c'est à peu près ça, plus son combat, lui. Ouais. Ouais. C'est pas qu'on n'est pas comme Milan pour te parler. Milan? Ouais. Ouais, c'est une ville en, ouais. en Italie. Hein, ouais, exactement. Oui, exactement. C'est ça, ouais. Parce que c'est le fun de te parler. Mais oui, mais ils vont crever, Mathieu. Je comprends pas que personne connaissait ça à l'entour de mais la table. Mais c'est quoi, ils vont crever? Non, mais oui, ça, ils vont crever, ouais. C'est un très bon. Mauvaise herbe et toutes les autres affaires de rap. Hein. Mm-hmm. Tu connais ça? Mais oui. Par rapport. Tu sais, lui était correct, mais dans ce temps-là, il y avait quand même Dubmatic. Oh, ça, oui, ça, oui, oui. Ça, ça rappait, c'était quand même hot, Dubmatic. C'était du classique. Puis Dubmatic, on ressortit, on fait un post sur Facebook la semaine dernière. Arrête. Ouais, pour dire qu'ils font plus de rap à cause des Anticipateurs. À cause du dernier clip des Anticipateurs, je sais pas si vous avez comme ça non. un petit peu. Il y a comme une guerre, là. Ouais, mais bon, pas tellement. Là. Les Anticipateurs, c'est un groupe qui vient de chez nous. J'en suis extrêmement fier. Ce sont des genre gens de... Genre Trois-Rivières? Non, Saint-Joseph, de Sorel. Oh, oh, oh, oh. Parce qu'il y a Sorel, mais imaginez que Sorel, c'est un bain. Saint-Joseph, c'est un peu comme la crasse tout le tour. c'est pas compliqué. C'est... D'après moi, c'est une des places où le taux d'analphabétisation, de pauvreté, mortalité infantile au Canada est le plus élevé. Là. C'est vraiment pas des blagues. Il y a une personne qui a tout ça en même temps. Ah oui. Oui, un des 5000 habitants. Là. C'est un bébé qui ne sait pas lire et qui est en train de mourir. Exactement. C'est triste. Là. C'est situé, là, je vous dis, juste aux côtés des grosses industries de ce rétrécir. Ouais. Deux fois par année, les shops paient comme une compagnie de nettoyage là, avec des Simonize, ou je ne sais pas comment tu appelles ça. Les effaceurs magiques de M. Net. Les Mononcles qui appellent ça des crunchers. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. C'est comme des genre de laveurs à pression. À haute pression. Ouais, ouais, crunchers. Moi, mon père appelle ça de mon nom. En tout cas, ils nettoient les maisons avec ça parce que les maisons deviennent trop sales. Ça vous donne une idée. Ouais. Puis en tout cas, ce groupe-là, pour revenir au groupe, là, s'appelle les Anticipateurs. Je sais pas si ça vous dit quoi. Non. C'est eux qui chantaient la fameuse chanson Sur la poudre. Sur la poudre. Vous dites rien? Ben non. Ils chantent non, aussi mais là, le corps du Christ. Le corps du Christ, une très belle chanson. Chante Ford F450. Sa poudre. Ouais, ouais, je viens exactement. De le trouver, ouais. Le corps du Christ. Ford F450, moi je pense que c'est une de. Ils ont une chanson, là, c'est super poétique. Le texte de ça, c'est Je fume des battes. Je fume des battes. Ouais, okay. C'est les paroles. Fait que c'est. Puis là, à ben, Dommatic a dit, on fait. Gars, tu vois. Dommatic, on dit, on fait plus jamais de rap à cause de leur clip. Regardez qu'est-ce qui est devenu le rap. Ah! Ben, ils ont pas de. Ah, moi, je les trouve très cool, les Anticipateurs. L'ennui, c'est qu'il faut les prendre un petit peu avec un grain de sel. Ouais, ça. C'est ça. Est-ce que grain de poudre. Ouais. Ouais. Ouais, oui. Mettons. Ouais, ils sont graves. Ils ont un Tug Life. T'étais sur la bonne page. Un Tug Life, ouais. C'est très bon. Ils sont interviewés par des Français à la radio de France, ou je sais pas quoi. En tout cas, une radio qui parle de rap underground. Ils ont déjà reçu d'ailleurs le Roy Knock. On est dans les grands classiques du rap québécois ce matin. Ben oui. Puis, ils se font poser une question. Puis ils répondent par je m'en bip. Tu comprends? Ok. Ah, wow. Donc, ah, ben. Puis là, l'animateur comprend absolument rien. Eux autres sont. c'est ça. Ah, je m'en bats les couilles du coup. Hein. Ah, exactement. Bon, ben, c'est ça, mais c'est l'équivalent québécois. Fait c'est ça. Ouais. C'est plus relié à l'église qu'à la région érogène. Oui. c'est ça. Les sacs français, c'est connu, sont toujours reliés aux zones érogènes. Ouais, ben, entre les genoux et la ceinture. Oui. Ouais. Hey, ils ont une toune qui s'appelle Sorel. Ouais. Oh, ouais. Non, c'est des pierres, ils viennent de Sorel. Ils ont une connexion maghrébine. Il y en a une qui s'appelle Je vends de la dope. Ouais. Ils ont des canons. Il y a une thématique. Ils ont des canons à neige. Ça, c'est comme des guns à patates dans lesquels ils mettent des briques de poudre. Ah, ben oui. C'est ça le clip. D'où que t'es cher, c'est des canons, canons. Il y en a une qui s'appelle Ford F550. Ouais, mais. Ils ont Ford F550? Ouais. On pourrait faire la discographie complète dans une émission spéciale, genre album classique, édition rap. Les pitounes font du ski. Ouais, les pitounes font du ski, ça parle des jumelles, pas des jumelles, mais des triplettes, je sais pas quoi, là, les filles qui font du ski. Ah, les sœurs La Pointe. Les sœurs Boulot. C'est juste... c'est des sœurs, ils ont pas le même âge. Du four La Pointe. Ils ont pas le même âge. Pourquoi qu'on parle d'eux autres, d'abord? Je sais pas. C'est zéro impressionnant s'ils n'ont pas les trois le même âge puis ils font tout du ski. C'est tout à fait vrai. Crime. Moi, ma grand-mère en fait du ski, j'écœure tout le monde avec ça. Je passe ça à Radio-Canada pour autant. Tu m'as déjà parlé deux, trois fois, là. Ça, je pense que c'est une affaire de clic du gouvernement fédéral pour nous faire penser qu'ils mettent de l'argent. Oh boy, là, les accusations, là. C'est comme l'autre, là, Dufour, là. C'est comme ça que ça. Non, ça, c'est des sœurs, là. Comment il s'appelle, là? Bilodeau. Lui, là. Alexandre Bilodeau. Pas capable. C'est pas Billy et Bilido, hein? Bilido. Alexandre Bilido. Alexandre Bilido. C'est ça. Lui, en tout cas, lui, il me lève le cœur. Ah, oh, wow. Hey, premièrement, veux-tu nous faire croire que c'est un exploit de gagner une médaille d'or? Oh! On sait pas quoi répondre à ça. Puis deuxièmement, pourquoi qu'il s'affiche toujours avec son frère? Ouais. Moi, ça m'agace. Je l'aime, son frère, tu sais. Je veux dire, j'ai rien contre ça. Tout. Mais je sens que je suis sur une pente descendante que je dévale à ski. Moi aussi, je Il y a des bosses. Oh, j'attendais, là. Oh. J'étais pas sûr de vouloir couper son micro. Vous voyez? Il y a rien là à avoir une médaille d'or. Je viens d'en avoir une en patinage artistique. T'as patiné bien. Oui. T'as un talent. talent certain. Ça en allait pire que le petit Jérémy. Oui. Oh. Le petit Jérémy, moi, je trouve ça plate que le monde s'essaye d'attaquer à lui. C'était ma job. C'est ça. C'est Gab qui devait. C'est ça. Il avait shotgunné. Moi, il m'impressionne. Son frère. Côté musical. Hein? Les deux, toutes les côtés. Hey, une toune de rap avec le petit Jérémy. Hein? Hey, ça serait existe malade. Sûrement le pire. Oh, oui, ça existe. Mais c'est vraiment pas de bonne qualité. Non. C'est pas grave, je préfère qu'on écoute les anticipateurs. Mais avec ça. Ford F450. Tu veux Ford? Oui, je te mets. Il y a un rap qui s'appelle Le Petit Jérémy's Rap. Je l'ai déjà entendu, c'est très, très, très, très, très grivois. On écoute ça, merci Gab Béhoun. Hey, ça fait plaisir. Merci Gab. On se quitte avec les anticipateurs Ford F450, puis après ça, d'autres affaires à Sondage Requis. 5,50. C'est 4,50. Il y en a-tu une qui s'appelle F550? Ouais. Il y en a-tu deux différentes? Parce que moi, j'ai F450. T'as raison, 5,50. Tu veux dire quoi d'autre, c'est-tu? C'est une série complète de chansons de Ford. Ça doit être joué, là. À haut volume. Préférablement. Dans un quartier résidentiel. Grâce à nous, Ford est devenu légendaire. Je vis sur la route, fait que je suis plus sédentaire. Le gros t'as encore perdu les enchères. J'écrase ta bitch si elle fait des caprices. Avant de me connaître, elle chauffait des Yaris. Camion tout blanc comme du lait Béatrice. Plein d'essence, big, j'en remets, c'est gratis. F-150, 250, 350, 450, rajoute 50, encore 50. Le gros là, j'ai un F-550. Il est bien plus gros, pis il va bien plus vite. J'étais à Saint-Agathe, pis je reviens du pit. Même dans la roue, le gros, j'ai bien du grip. J'appuie sur le gars jusqu'à fin du trip. Châssis en diamant vert. J'apprécie ta grand-mère. Un feu en diamant bleu. on fait ça avant eux. Par choc en diamant jaune, avec les caps en croix. Les portières en diamant noir, souffle comme des balançoires. Les gros j'arrive en klaxonnant. Faut des donuts, c'est tout passionnant. La bitch veut me séduire en placotant. Suce-moi la queue dans le stationnement. Panda, moteur, arrangé. J'm'en vais chercher à manger. J'arrête jamais d'avancer. Toute le qui était agent, c'est. J'suis plus bon que tous les gens. J'ai la platine sur les bords. Diamant autour de mes corps. Diamant autour de mes corps. J'fonde la pitonne tous les soirs. Le pot d'échappement y est tout patenté. Le gros le camion y est diamanté. J'suis complètement médicamenté. Pourquoi ta bête tu hésites à rentrer? Vu que j'ai sniffé un âge, j'suis pas menté. La station service puis j'la vide en entier. Bon j'vais jamais finir de le remplir. Avec toutes mes trois j'peux construire un empire. J'ai pas appris c'était quoi ralentir. Et comme Toyota tu vas de mal en pire. Elle a jamais vu un morfleu aussi gros. Vu que j'ouvre la porte pis elle me suce aussitôt. Si clignote en plus arrange des Doritos. J'veux embarquer au moins 100 Ocitos. À côté de nous c'est comme des dominos. À côté de nous sont tous incognito. Ma gang diamant mauve, peut être un petit pot. Coulon en diamant rose, à cause ça l'attire les hoes. Spirigne en diamant rouge, j'aime quand ta maman le bouge. Mes lumières en diamant blanc, avec des diamants dedans. J'fais des donuts devant tes mortels. J'comprends pas à cause c'est trop con. J'ai fourré ta baisse pis c'est coloc. J'peux jamais dépenser mon truc. Tous les ans j'vais changer de style. Jamais besoin de changer d'huile. Tout est mieux de changer de ville. J'peux me rendre jusque dans les îles. J'suis plus gros que tous les champs. J'ai la platine sur les bords. Diamant autour de mes corps. J'fonde la pitonne tous les soirs. Mon camion brille dans le noir. Ces animaux en renard. Sont felins. Assez de chars. Carrosserie trempée dans l'or. Du renard. Absolument rien de vulgaire là-dedans. Zéro. Il chante vite, fait que c'est correct. Ben oui. On comprend rien de ce qu'il dit. Les Anticipateurs Ford F-550 featuring Anne McGee. 50 000 $ le millimètre carré, tabarnak, ici. OK. Ça, c'est un big job. Ouais. Au retour, la chronique du Zone Campus, parce que oui, on défonce! Ben oui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 3 novembre 2015, c'est Nathalie Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, il est bien 9h35. Oui, l'émission finit bien à 9h30 d'habitude. Oui, on a décidé de défoncer la nouvelle année. Hey, parce qu'on a tellement de contenu à vous offrir que des fois ça dépasse de tous les bords. C'est comme c'est quand ça. Tu mets ton couvert pas assez serré puis ça déverse dans ton sac puis ça fait du dégât. Là. Oui. Ça va m'en faire. Ou c'est comme hier à Chasse Galerie, dans le lavabo des gars, il y avait la soupe du jour. Arrgh. Qui était vraiment dégueulasse. C'était un gars qui avait vomi dans l'évier. C'était dégueulasse. Ça sentait mauvais. Tiens, justement, qu'est-ce qu'on a utilisé pour couvrir le vomi? Et ça, c'est une histoire vraie. Arrgh, je sais pas. Bon, on a utilisé des copies du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. J'ai entendu. Ça, on t'a pas entendu parce qu'il y avait une intro qui jouait vers. Est-ce que t'es sérieux? On a utilisé Journal Zone Campus pour. Oui, ben les gens pensaient que ça allait masquer l'odeur. Ben c'est dégoûtant! Ouais, au moins les gens pouvaient marcher dessus. Donc Louis-Philippe Quentin. Ah, il avait vomi par terre. Oui. Ah, ok. Donc, Louis-Philippe Quentin, rédacteur adjoint de Journal Zone Campus. Bonjour à toi. Salut Mathieu. Qu'est-ce que t'as dit par-dessus l'intro? Ah, je disais seulement que j'avais peur de ta réponse quand tu nous as raconté que le Zone Campus avait été utilisé. Ah! Pour oui. Couvrir. Le vomi. C'est un fait vécu. C'est dégoûtant. C'est votre argent, étudiant, qui a payé pour ça. Ouais, à part couvrez le vomi. Donc, le journal Zone Campus, le volume 11, numéro 5, qui est en kiosque à partir de plus tard aujourd'hui. Ça devrait être dans peut-être une demi-heure environ, peut-être une heure au max. Un petit peu partout, ça va commencer à être distribué. Sur la couverture, on a Big Brave au Café Frida. On y reviendra en art et spectacle tout à l'heure. Voilà. Commençons par les actualités. Oui, allons-y. Ben, en fait, si on peut commencer avec mon mot de la rédaction Oui. Qui est en première page journal, donc à côté des actualités, juste en dessous plutôt. Cette semaine, j'analyse vitement le phénomène des has-beens. C'est quelque chose que je sais que ça joue pas assez fou, les has-beens. Non. On essaie de faire attention à ça, mais cependant... Les futurs has-beens, on joue ça. Exactement, parce que tout le monde, c'est un peu ça la question que je me pose. Tout le monde a un petit peu la possibilité du moment où il entre dans la sphère culturelle publique, que ce soit en art visuel, que ce soit en littérature, que ce soit en musique, que ce soit en cinéma, ce que vous voulez, automatiquement, on a la possibilité de devenir un has-been. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient un has-been? C'est pas toi qui décide, là. Non, en effet. Que t'es trop vu partout, peut-être, ou... Peut-être, ou que c'est ce que tu fais vieillit tout simplement mal. Oui, c'est... comme dirait un collègue que j'appellerai dorénavant Danny Janvier, c'est la meilleure façon de passer de mode, c'est de suivre la mode. Voilà, oui. Exactement. De la suivre volontairement, de se dire, je vais suivre cette mode. Moi, je veux être à la parce mode. Qu'elle est là. C'est jamais la meilleure idée. Donc, c'est un peu la question que je me pose dans ce mot de la rédaction. J'espère que ça vous intéresse. Oui, ben c'est en page 2. On saute plein d'affaires. Là, on y va avec la marche des femmes en reportage par Lucas Hubert. Oui, exactement. C'était la marche des femmes, la semaine dernière. Lucas nous avait fait à peu près dans la même semaine un article sur la culture du viol. Donc, il poursuit un peu dans cette veine-là en parlant de la marche des femmes, étant donné que le thème cette année, c'était « Libérons nos corps ». Donc, ça nous pèse. Il va d'un élément comparatif dans ce texte-là. C'est évidemment fort intéressant parce que sachez qu'il y avait... je crois un peu plus de 10 000 personnes à cette manifestation-là, qui était à Trois-Rivières. Donc, c'est impressionnant, oui. Assez pour bloquer du trafic. On, pour une fois qu'on a quelque chose de... une manifestation publique intéressante dans notre ville, c'est important de le souligner. Tout à fait. Étude sur la bibliothérapie, changer notre relation avec l'anxiété grâce à des livres. Oui, je trouvais que c'était important de s'attarder vitement à cet article de Gwendolyn parce que j'ose croire que vous serez peut-être d'accord avec moi, mais c'est vrai que dans un monde où tout va vite et où l'anxiété est si facilement atteignable, lire peut souvent être une bonne manière de se faire une petite thérapie à nous-mêmes. Ouais. Donc, personnellement, en ayant étudié en littérature, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à l'époque. C'est en même temps que qu'une session, évidemment, quand t'es étudiant, te stresse, c'est drôle de devoir lire pour ses études parce que ça te permet un peu de tout le temps... D'équilibrer, oui. Tout est équilibré, ce stress-là. Donc, c'est ça. Changer notre relation avec l'anxiété grâce aux livres, c'est de ça dont Gwendolyn nous parle. Oui, avec Catherine Etier. Voilà. Dans l'éditorial, on parle de finances publiques avec Sébastien F. Guertin. Son titre, c'est « Sources et ressources ». On lui en parlera demain à l'émission, mais sinon... Ah, ben rapidement, tout simplement pour dire que Sébastien nous parle du fait que le nouveliste nous apprenait que le vice-recteur ici recevait son salaire également de retraite de l'Université Laval en même temps qu'il reçoit son salaire en plein ici. Et c'est légal! Semble-t-il. Exactement. Donc c'est légal, ça dépend tout. Aux yeux de la justice, du moins. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose d'approprié? Là, ça, c'est un autre débat. Dans la recherche à l'UQTR, encore notre ami Gwen qui nous parle du nouveau système pour accorder la guitare. Oui, donc c'est un système qui existe déjà. On en discute dans l'article avec Philip Howard. C'est un système qui accorde la guitare automatiquement. Donc à partir d'une espèce de... disons un petit moteur qu'il a inséré dans les clés. Le terme technique, c'est un bidule. Un bidule, exactement. C'est le terme normal. Donc, cette fois-ci, il y a des étudiants génies à l'UQTR qui sont intéressés au fait que ça pourrait être mieux utilisé, ce système-là, parce que pour l'instant, la précision du système n'est pas toujours au rendez-vous. Puis certainement, ça attire pas beaucoup les musiciens. Donc, c'est des guitares qui prennent la poussière dans les magasins. Eux, ils voulaient voir s'il n'y avait pas un moyen de rendre ça plus intéressant pour le grand public. Dans l'actualité démystifiée, la chronique de Marie-Odile Richard, on parle du sujet un petit peu touché, littéralement, en fait, du chambreur de Trois-Rivières. Ah oui, le chambreur de Trois-Rivières, donc, c'est un sujet effectivement touché parce qu'on a remarqué dernièrement que cette personne-là qu'on appelle le chambreur, qui aurait, si je me trompe pas, frappé quelqu'un avec un marteau dans la rue, c'est assez intense, gore, n'est-ce pas? Oui, gore, disons-le. Mais il y aurait certaines similitudes avec cet homme-là et peut-être ce qu'on aurait remarqué être l'homme qui aurait peut-être enlevé Cédrica. Ouais, exact. Il est devenu à Trois-Rivières la même année. Voilà, ouais. Mystère, mystère. Exactement. Et j'aime ton utilisation du terme Cédrica pour arrêter de dire la petite Cédrica, ça me tape ses dents. ben, tu sais. Non, mais c'est vrai. Si vivante elle est, petite, elle n'est plus. Non. Pis, et voilà. ça, on dirait plus un nom de personnage qu'une histoire réelle quand tu utilises des surnoms. T'sais. Exactement. C'est pas de la fiction ici, c'est de la réalité. Triste. Exactement. En loisir, vie de campus sur la halte garderie, c'est une petite anecdote sur la semaine de relâche ou la semaine de travaux et d'études. On va en société avec Tania qui va nous guider pour la prochaine section Société. Oui, du côté société, eh bien, il y a Kevin Gaudreau qui nous parle de quelques distinctions entre l'envie et la jalousie. Voilà, exactement. Donc, toujours intéressant ce que Kevin va nous apprendre sur nous-mêmes. Cette fois-ci, comme tu dis, Tania, il s'attarde, entre l'envie et la jalousie. Donc, qu'est-ce qui différencie la chose? C'est vrai que parfois, ça peut être très ambigu. Vraiment. Donc, évidemment, l'envie... Selon la Bible elle-même, est un péché. Oh! Oui! Oui! Cependant, c'était dur de voir où je m'en allais avec ça, hein? Cependant, la jalousie, est-ce qu'elle ne serait pas plus des yeux de psychologue? Moi, je pense que, personnellement, sans être psychologue, mais Kevin, lui, l'est. Nous, non. Mais reste que la jalousie, je pense, c'est quelque chose d'un petit peu plus insidieux, un peu plus vicieux. Donc, je pense que Kevin est d'accord avec nous. C'est un peu ça qu'il explique dans sa chronique cette semaine. Quand t'es jaloux, tu fais des choses bizarres des fois. Oui, effectivement. Qui ont des conséquences, tes actes. Ben oui, exactement. Il y a Jean-François Veilleux qui nous parle de nananana, nananana, hey, oui. Goodbye. Étonnamment, Jean-François Veilleux qui nous parle de hockey. Incroyable, ben j'aurais non, jamais vu ben non, ben non, c'est une blague. Il nous parle de politique. Il nous parle en fait, quand il dit nananana, nananana et goodbye, il va nous parler du départ de Stephen Harper. Ah voilà. Donc, si on se souvient bien, je sais que ça fait déjà longtemps, là, mais on a changé de premier ministre. Ah ouais? il va nous rappeler le fait que si on avait été dans un système de vote proportionnel, les libéraux ne seraient pas majoritaires. C'est un bon point quand même. Effectivement, important d'en parler. Est-ce qu'on a déjà fini la société? Quand ben oui, on a déjà fini. Rapide. En arrêt spectacle, le projet d'un ancien étudiant en art, en fait plusieurs projets, c'est Philippe Lafontaine. Voilà, donc ici on a le point de vue d'un étudiant qui vient de terminer son bac en art et qui tente de poursuivre sa carrière dans le domaine. On sait que c'est pas toujours quelque chose qui est très facile. Donc, il nous montre qu'est-ce qu'il y a à venir pour lui pour le futur. Il y a son exposition Gambrinus, qui je crois décroche très bientôt cependant, est un récapitulatif en fait un peu de tout ce qu'il a fait durant son bac. Donc lui, ça lui permet vraiment de voir son évolution en tant qu'artiste. Puis évidemment, il va nous parler un peu c'est quoi les enjeux d'un artiste qui termine ses études. Est-ce qu'on cesse de réfléchir à son processus créatif, oui ou non? Donc, c'est un peu ça que... C'est un entretien, en fait, avec Nadia Tranche-Montagne. Mm-hmm. Très intéressant comme entretien. Notre journaliste. Voilà. Ensuite, notre nouvelle couverture, tient Big Brave au Café Frida. Le troublant à son meilleur. Voilà. Premier événement auquel on pouvait assister au Café Frida, dont on vous a déjà parlé dans les dernières semaines. Ce qui est intéressant avec ce spectacle-là, Big Brave, qui, en passant, est un groupe de Montréal... disons qu'il ne jouera pas à Énergie. Mettons. On pourrait dire ça de même. Ouais, mettons. Ça pour... C'est underground. Ouais, c'est ouais. Ça, exactement. C'est donc, marqué sur la couverture du journal, underground, voilà. En plan. Exactement. Donc, c'est un groupe qui joue beaucoup avec le silence, autant qu'avec le bruit. C'est un groupe, je crois que je me trompe pas en disant que c'est un groupe de noise music. Oui, oui, oui. Voilà, on peut dire ça de même. Donc, c'était presque... Je dirais pas pour le public qui était là, évidemment, ce soir-là, mais pour un public moins averti, ça peut être un groupe assez déstabilisant. Oui. Le spectacle au Café Frida avec J'y étais, fort intéressant d'un point de vue visuel également, parce que il y avait un artiste d'ici qui faisait des éclairages pendant le show. Mm-hmm. Donc, en direct, avec des lampes de poche, des feuilles d'aluminium, c'était vraiment spécial. Des maquettes avec des petits soldats aussi. Mm. Donc, ça donnait des ombrages fort attrayants. Pour le public hipster de Trois-Rivières. Ils étaient tous au même endroit. Voilà. Dans ta chronique de nuit latique, Louis-Philippe Quentin, tu nous parles de chauves-souris et de côtes arrachées. Ouais, en fait, évidemment, j'avais envie de mettre un titre en lien avec l'Halloween, étant donné qu'on en sort pas beaucoup. T'es trop cute, là. Je sais. Mais je ne parle pas de chauves-souris et de côtes arrachées. C'est simplement une allusion ici à tous ces artistes qui savent choquer avec leur image. Aha. Comme par exemple Ozzy Osbourne avec la tête de chauve-souris. et Marilyn Manson avec les côtes arrachées. Ben oui. On dira pas pourquoi, mais les comptes arrachés. Hey, fais pas ces bruits-là, s'il te plaît. Bruit organique. Très naturel. Saviez-vous, par contre, que pour les comptes arrachés, Prince on avait... On veut pas savoir. Non, on veut vraiment pas savoir. je tiens simplement à dire que Prince avait déjà aussi reçu cette rumeur, ainsi que Michael Jackson. Oh? Ah, ouais. Donc, ce qui prouve donc un peu la véracité de des termes. Il y en a qui disaient que c'était pour la performance musicale quand je chante. Plus de... Oui, puis on voit certaines d'ailleurs performances live de Marilyn Manson qui, lorsqu'il fait dans sa tournée Antichrist Superstar, il se laisse tomber sur une espèce de d'hôtel, un peu podium, puis t'as l'impression que justement. C'est intense, sauf que c'est tout stagé. Ah, pour utiliser un anglicisme, c'est complètement ridicule. Se faire enlever deux côtes pour ces raisons-là. La seule raison, sincèrement, pourquoi on peut se faire enlever deux côtes, parce que j'avais déjà fait une recherche, je crois, au cégep là-dessus. C'est pour ça que je fais ces choses-là. La seule raison pour que les gens se font enlever des côtes comme ça, c'est simplement pour avoir une meilleure taille de guêpe. C'est simplement esthétique. Okay. Et ben. Voilà. On reste un peu dans Halloween, si on veut, par la bande, avec une soirée bénéfice à l'atelier Silex. C'était Caniche Vampire. Et l'article s'appelle « Déguiser l'Halloween ». Oui, « Déguiser l'Halloween », donc titre fort amusant que Marie-Christine nous offre. Donc évidemment, ici, on s'intéresse pas au party en soi. Non. C'est la levée de fonds. C'est ça, exactement. C'est... Donc l'atelier Silex, à chaque année, fait une levée de fonds pour continuer à lever des fonds. Continuer de survivre, exactement. Puis... cette année, encore une fois, c'était le collectif d'Art Les Couacs qui s'occupait de la décoration de l'événement, de l'organisation également, à l'aide de Fontaine-le-Riche. La thématique cette année était censée être Caniche Vampire. C'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on voit que l'art dans l'organisation d'un événement peut apporter la déstabilisation. Mm-hmm. L'événement s'appelait Caniche Vampire, donc la thématique était vendue vampire, fort original, lorsqu'on parle d'Halloween, évidemment. Pas le choix. Et donc là, les gens arrivent déguisés, moi aussi en vampire, évidemment, étant donné que c'est ça la thématique. Et boum, la thématique, c'est la plage. Donc, ça crée une espèce de clash fort intéressant. Vampires on the Beach, on dirait un film. En tout cas, moi, je trouvais que c'était bien plus intéressant de l'amener comme ça, surtout en surprenant le public de cette manière-là. Et évidemment, ça donnait l'occasion à bien des gens de rencontrer des artistes de l'atelier Silex qu'on a rarement l'occasion de côtoyer autrement que dans des vernissages. Donc là, évidemment, les artistes sont plus stressés, ils ont quelque chose à vendre. C'est pas pantoute la même vibe quand on les rencontre dans un événement caritatif. On saute encore une fois par-dessus plein de choses, mais la petite ténébreuse Coquelicot, vétéran mémoire, le jour du souvenir, c'est de ça qu'elle nous parle dans sa chronique la plus récente. Et le Movember au Gambrinus, la moustache est à l'honneur. Oui, la moustache est effectivement, encore une fois, cette année à l'honneur au Gambrinus, si on se souvient, phénomène qui est arrivé, je sais pas il y a combien de temps, ça commence déjà à faire un bout le Movember. Ouais, plusieurs années, c'est sûr. Ouais, ça fait un bon 5 ans. J'ai l'impression 5-6 ans, ouais, c'est ça, j'aime ça aussi. Quelque chose comme ça. Donc évidemment, au Gambrinus, encore une fois, on renouvelle l'expérience. Toutes les œuvres qui vont être présentées au Gambrinus pendant le mois de novembre auront un lien avec la moustache. Ah, évidemment. Voilà, et tous les fonds qui seront amassés par rapport à ça iront au mouvement du Movember. Et c'est depuis 2003, donc plus longtemps qu'on le pensait, c'est juste que ça s'est pas rendu au Québec avant bien longtemps après ça. Ah, je vois. Parce qu'on est tout le temps en retard! Mais oui. Voilà pour les arts et spectacles. Nous reste seulement les sports avec Tania. Oui, bien, il y a Louis-Philippe Carbonneau qui nous parle de boxe, en fait, pour le premier combat chez les professionnels pour François Pratt. Donc oui, François Pratt, qui est un étudiant à l'UQTR, soit dit en passant. Le combat de boxe qui s'en vient, je crois que c'est le 6 novembre, est un combat qui est organisé par Eye of the Tiger Management, qui est en fait, je l'ai appris en lisant l'article, une des plus grosses boîtes de boxe au monde. Le match aura lieu à Trois-Rivières et c'est probablement ce qui va faire entrer François Pratt dans la cour des grands. Donc on est très très fiers de lui. Sincèrement, c'est vraiment vraiment quelque chose. Ben oui. Bien content pour lui. Crime le 6 novembre, c'est du côté de la bâtisse industrielle, c'est ça? Je crois que oui. Et voilà. Il nous parle aussi de badminton, compétition par équipe féminine et masculin à l'Université Laval. Oui, donc le badminton à l'UQTR, qui, ça fait un bout que c'est là. Ouais. Par contre, c'est pas, ça n'a jamais été le sport qui a eu le plus qui a remporté le plus de victoires dans les Patriotes en général. Cependant, on voit que l'expérience commence à rentrer, puis Pascal Villemur a remporté une victoire lors du dernier match à l'Université Laval. Excellent. Étienne Dubois nous parle évidemment de hockey. Un excellent début de saison pour les Patriotes, toujours parfait à domicile en 5 matchs. Exactement, qui ont gagné 5-4 en fait en prolongation contre les Stingers de Concordia. Donc leur fiche est toujours parfaite à l'UQTR, on est fiers d'eux. Il y a une thématique originale qui s'en vient, c'est par Chloé Labreveux. C'est une nuit sportive ici à l'UQTR. Oui, exactement. Ça se fait à chaque année, en fait, la nuit sportive. C'est une nuit qui est organisée, donc de nuit, évidemment. qui fait faire aux étudiants en enseignement de l'éducation physique. Plusieurs activités, évidemment, sportives. Cette année, la thématique, c'est les jeux vidéo. Donc, les équipes qui vont faire... Ils ne joueront pas aux jeux vidéo, c'est pas ça. Mais chacune des activités va être en lien avec cette thématique-là. Et chacune des équipes porte un nom lié au monde du jeu vidéo. Par exemple, on a Donkey Kin. Probablement que ça a rapport avec les gens en kinésiologie, mais... Donkey King, voilà, ben ouais. C'est ce genre de jeu de mots-là qu'on a dans les équipes. Ah, bien, c'est cool. Et en rafale, eh bien, du côté des matchs de soccer, eh bien, les Patriotes s'en vont en demi-finale contre Montréal à Montréal cette fin de semaine, vendredi le 6 novembre. Et il y a aussi le lacrosse, le dernier tournoi de la saison 2015, qui a fait en sorte que l'UQTR termine au premier rang de la saison. Alors, félicitations aux Patriotes. Et comme on vous le disait, eh bien, le journal va être disponible un petit peu plus tard aujourd'hui, un peu partout, dans tous les pavillons de l'université. Et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Et voilà. Voilà. Merci à Louis-Philippe Quentin. Ah ben, ça fait plaisir. Le numéro 11, numéro 5 du volume 11, pardon. En kiosque du 3 au 16 novembre 2015. Voilà. On te retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique. Ben, j'ose l'espérer. Si cette fois, je réussis à me réveiller, je devrais être là à temps. Ah, on n'en avait pas encore parlé, mais là... Non, mais c'est important d'assumer. Non? Oui, c'est ça. Assume les conséquences et nous, on assume le fait qu'on a fait une émission de 2h30 à place de 2h. Ben oui. Voilà, on assume ça. Merci Louis-Philippe et on clique dans Zone Campus. Nous, ça va être la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Oui, déjà. Je dirais pas déjà. Non. Pas déjà. non. Une émission plus longue qu'à la normale. Ouais. C'est on le merci, temps, on merci Marie-Laurence Audet avec sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Merci à Gabriel Béhoud et dans les coulisses de la Luitre. Merci à Louis-Philippe Quentin pour la chronique Zone Campus. Demain, mercredi, on aura à 8h Sébastien F. Gertin et son bulletin Gertin. À 8h30, on va parcourir Internet avec Google Globe et Frédéric Bernard. Sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, Rock de Neuron en rappel à 13h. Je vais être de retour avec toi pour les palmarès Sifu entre 15h et 18h. Et à 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Sifu.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci beaucoup, Tania. Merci à toi, Mathieu. 2h30 bien investi. Très bien investi. On a bien rempli ça. On a fait du bon travail. Je pense que oui, tape dans le dos l'un l'autre. T'as l'air d'un poisson aujourd'hui avec ta... Pourquoi j'ai l'air d'un poisson aujourd'hui? Ton chandail est un petit peu genre de pastille ronde, d'écaille. Ouais, c'est vrai. C'est charmant. Ben, merci beaucoup. C'est ça? On dirait que tu t'en vas genre à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est un costume parfait pour ça. Ben oui. Je m'en vais nager dans une mer de café. Ça doit être ça. Oh oui, du café. C'est plus tard que d'habitude pour le café, hein? Ouais, ils doivent être tout perdus à la chasse présentement. On se quitte avec une pièce de Dilly Dally. Voici Purple Rage. À demain, 16h30.